KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Exactement, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Petit message bien évidemment à ceux qui ont encore un petit téléphone avec une radio et qui sont dans un aéroport. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Vous partirez peut-être un jour. Demain, ouais, voilà. Peut-être après-demain. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Bah écoute, on en parlera tout à l'heure, mais en gros, c'est juste un volcan qui est rentré en éruption, quoi. Normal. Voilà, donc il a craché tout ce qu'il avait à l'intérieur et puis bah voilà. Là, c'est pour ça que tous les vols sont annulés. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faisait gris là. Non, ça c'est juste parce qu'on est à Paris. Ah oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Pas encore, mais par contre le nuage devrait passer normalement au-dessus de Paris demain. Mais tu le verras pas. C'est des micro-particules. D'accord. Enfin, c'est des micro-particules, mais ils peuvent quand même faire beaucoup de dégâts. Parce que tu dis ça à des gens, tu sais, on leur dit ouais, votre avion est annulé. Quoi, je pars pas parce que c'est des micro-particules. Ouais. Tu vois, ils vont être encore plus vénères, ils sont pas à l'abri de casser quelque chose. Qu'est-ce que ça peut faire sur les avions? Ben ça bloque les moteurs en fait. C'est-à-dire que parce que si tu veux, t'as ça bouche la sortie en fait. Ouais, ouais, 900, en fait 900 km/h, c'est corrosif en plus. Non, disons qu'en plus c'est corrosif. J'ai vu un air crash là-dessus. Alors c'est énorme. Ah. C'est énorme. L'avion finalement s'en est sorti indemne, mais il a perdu tous ses moteurs. C'est bien ça aussi. Mais bon, il a réussi à les redémarrer. Ouais, bref, en gros, si tu veux, est-ce que ça porte pas l'avion après? Non, justement, en fait, ça fait des étincelles de partout parce que c'est corrosif justement et ça décape complètement toute la carlingue de l'avion. Et le problème, la poussière se calcifie. Voilà, et la poussière effectivement devient solide, sauf qu'elle cale du coup les pales des réacteurs qui ne tournent plus et donc ils s'arrêtent forcément. Et donc il plane jusqu'à ce qu'il plane plus quoi. Jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà. Il y a eu des crashs hein, déjà à cause de ça. Hein. Là. Ah bon ? Bah, Non. En 82, il y a eu un. Pareil, l'avion est rentré dans un nuage de poussière. Un nuage de. Ça a coupé les moteurs et chute libre et bim le crash quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, décès. Et bah oui, décès, crash. Bah, hein. Forcément. Moi c'était au Vietnam et en fait ils avaient pas il avait crashé, le volcan était rentré en éruption, sauf que bah en fait sur des graineries sont rentrées dans les avions. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, sur des radars météo des avions, en fait, ça envoie un signal et le signal rebondit sur les nuages, les nuages normaux. Et ça renvoie à l'avion. Donc du coup l'avion voit qu'il y a des nuages, quand c'est orageux, pas orageux. Sauf que des nuages comme ça passe au travers. Donc l'avion il dit c'est cool, il n'y a personne devant moi, tout va bien, je passe par là. Bah, il s'est retrouvé dans le bordel quoi. Ah d'accord. Voilà. Et là c'était le drame. Ah ouais, là c'est la merde effectivement. Enfin bref. On va pas parler que de ça hein, pour l'instant. Non, pas de problème, s'il te plaît, donc c'est vrai. Parlons foot. Alors le Real Madrid face à Almeria ce soir. Ouais, là pour la peine, c'est loin de chez nous hein. On s'en fout un peu hein, au final. Ouais. Ah, t'as vu, je suis solidaire. C'est bien. Ouais, je sais, ouais. Fais des efforts. Toi va bien. Tant mieux, la route aussi. Très bien, ouais. Bon, bah oui, il a pas prévu de prendre l'avion, donc ça va. Ah non, je prends pas l'avion. Ah voilà, il a pas prévu de prendre l'avion. A priori, la RATP ne sera pas en grève, donc tout va. Donc, c'est bien les seuls, hein. Ouais, SNCF, tout ça. Enfin, c'est cool, quoi. C'est bien, c'est un début de vacances pour les Bordelais, les Parisiens, Versailles, tout ça qui s'annonce au taxi. C'est toutes les zones, là. Tout le monde est en vacances, là. Ouais. Donc là, c'est là, on est au top du top. Bon, comment va Jack ? Ça va. Bon, tant mieux. Et puis Micha qui est au standard, il est en galère, hein, comme d'habitude. Je sais pas, il a une tête qu'il est en galère. Pas du tout en galère. Ah bon, bah alors. Un chéri cocu là, il m'a dit ça va être le meilleur depuis le début de l'émission. Ça va être énorme. High quality, ouais, c'est ça. Ouais. C'est marrant parce qu'il le dit avec l'accent qui fait qu'on dirait que c'est. c'est du faux. Ouais. Bon, ce soir, on mettra le son d'Edouard Maya. On mettra la chanson aussi Facebook là. Je te Facebook. Ah. Hey, j'ai vu le clip. Enfin, une partie du clip. Je veux bien recevoir les mecs, mais il faut que la meuf vienne aussi. Hein. Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu ? Putain, ça m'étonne. Hein. Oh là là. Bah, non, mais. On m'a pas dit. C'est ça, c'est je te Facebook. On l'avait passé hier. Bah, viens voir. Ah, j'arrive. On va la mettre sur le site, comme ça, vous verrez. La bouche en cœur, le décolleté, ouais, trop la classe. T'as Michael dans tes amis. Aïe. Wow, c'est gentil. D'ailleurs, on va saluer dans quelques instants ceux qui sont sur ceux qui sont sur le groupe Facebook. Ah non, mais c'est qu'elle a peut-être quelques petits détails, mais voilà, elle est bien. Hein. Ah oui. Voilà. Oui, donc venez avec la meuf pour Toff. Moi, je prends la voiture. Hein. C'est une vieille américaine, elle est parfaite aussi. Hein. Voilà, comme ça, vous savez, on mettra le son tout à l'heure. On vous l'avait promis hier. On salue donc Ludivine, il y a Amandine, il y a Johan, il y a Manon, Karina, Victor, Clémence. Il y a qui également Marie, Johnny et les autres hein, sur mikael.fr. Cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre. Mon anniversaire étant lundi, j'ai déjà reçu un deuxième cadeau. Oh, ah, c'est gentil. Ah, ouais, ouais. Le Hard Rock Café. Oh. T'as ouvert ? Ouais, j'ai déjà ouvert. Ouais. Ah, enfin, c'est en nul. Temps, c'était pas emballé, c'est juste dans un sachet. Donc c'est Laetitia qui m'a offert un. Par contre, Laetitia. Large. Elle t'a vu un peu gros. Ouais, ouais, large, flotte dedans quoi. Ah merde, bah vas-y, je le prends. Ah non, bah tu vas foutre. Non, Laetitia est sur Paris, donc j'espère qu'elle a gardé le ticket et puis vous irez échanger à deux. Bah on va essayer d'échanger. C'est quoi, c'est le Hard Rock Paris ? C'est le Hard Rock Paris. Que tu n'avais pas. Que je n'avais pas encore. Tu fais le tour du monde, t'en prends partout, t'es bah à ouais, Paris, t'en sais. Prends pas. Bah ouais, je sais, mais c'est... Donc, est-ce que tu sais seulement où est le Hard Rock à Paris ? Si, si, je sais, ouais. Donc t'es un vrai Parisien. Bah non, justement, parce que je suis content qu'elle l'ait, parce qu'en général, quand tu portes un t-shirt avec le nom d'une ville, c'est que t'y es pas. C'est que t'es pas de cette ville-là. Donc quand je le mettrai, personne verra que je suis ici. C'est enfin, vrai. Je suis d'ici, façon on de parler. On prendra pour un touriste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On va me prendre pour un touriste, ce sera parfait. Personne va venir m'emmerder pour me demander des endroits que je ne connais de toute façon pas. Ouais. Donc, au final, ça passera très très bien. En tout cas, merci à toi, Laetitia. Et puis, qu'est-ce qu'on va se faire ce soir ? Pas mal de choses. On aura Anthony Joubert qui sera avec nous. Alors, comme ça, ça vaut dit peut-être rien si je vous dis M6. Incroyable talent. Incroyable talent. Oui, bah Sandro, t'aurais dû percuter déjà M6. Bah quoi ? Toi qui passes ta vie sur cette chaîne. La nouvelle star ? Non, on vient de te dire incroyable talent. Non, mais je sais pas ce que c'est incroyable talent. Ah bon, bah tu découvriras tout à l'heure. Incroyable talent. Ah non, bah, je sais pas ce que c'est. Ah bon ? Ah bon ? Bah écoute, tu découvriras tout à l'heure. Et puis on va s'écouter le répondeur également maintenant. Répondeur, donc vous pouvez d'ailleurs laisser vos messages tous les soirs au 01 40 71 3400. Écoutez les messages que vous nous avez laissés depuis hier. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ça vient de tomber, ton Jean-Marie Le Pen donne à manger à ses petits-enfants. C'est pas une cuillerée pour papa et pour maman. Ça donnera un truc dans le genre. Allez, un certain pour les rocs, n'est-ce pas ? Pour papa, enfin. Et allez, un certain pour les rangs. Une cuillère pour maman, j'en ai, n'est-ce pas ? Ouais. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe, hein. Bienvenue dans ce mag du jour. Et oui, hier, c'était les deux derniers épisodes d'Anna Montana. Mais il s'agit de déclarer. Je ne veux plus que mes fans me considèrent comme une petite gamine. Lol, c'est pas avec un anneau de virginité qu'on vient, je le trouve. Ouais, et hier, c'était nous qui avons fait la chanson sur Mika. Ouais, et sérieux, c'est pas cool qu'on n'ait pas gagné. Mais bon, quand même, merci à Sandro. Allez, gros bisous. Fin du message. Message suivant. Ouais, ce message ne sera pas sûrement écouté. Bon, enfin, c'est pas grave, Mickaël, t'es un gros bouffon. Je te signale, c'est pas. J'ai écouté l'émission d'hier soir. C'est pas Tupolev, c'est Tupolev, d'accord ? Donc il y a déjà, apprends un petit peu mieux la langue. Russe, et d'autre part, t'es un petit peu homophobe avec les histoires du couple homosexuel. Franchement, t'es un gros con. Vivement, tu dégages. J'espère que tu vas pas être renouvelé pour la prochaine rentrée. Non, y a pas de chance. J'espère que c'est ta dernière saison. Salut, ouais, connard. Bah, mais ça sera pas écouté, bien sûr. Ça sera pas diffusé tellement t'es un bouffon. Oui. Si tu veux me prendre au téléphone, y a pas de souci. Y a aucun problème. Bah voilà, je t'appelle dès que tu veux. On va te rappeler. Un nouveau message. Voilà, donc alors je suis homophobe parce que je dis que je préfère voir deux filles en train de faire l'amour que deux mecs. Et oui, mon Dieu, qu'est-ce que je suis homophobe. Et en parlant de ça, il y a une très très belle vidéo sur mon blog. De quoi ? De meufs qui se roulent des pelles. Ah, t'as que ça à foutre. Oui, j'ai que ça à foutre. C'est dingue quand même. C'est encore mieux que le Demon où c'était un mec une. Ah ouais, Demon avec Fuck You. C'était voilà la chanson, ouais. Mais c'est encore mieux. Tu te souviens pas de cette chanson là, Roux ? Pas du tout. Bah, c'est vrai que moi je me souviens que du clip, mais. Ouais, le clip en fait c'était. Ça durait 3 minutes 30 et t'avais que du roulage de pelles. Que ça. De langue. Par contre, c'est Demon. Demon, oui, pas Demon. Ouais, Demon c'était Demon. Fuck You. Et là c'est Demon et je sais plus le titre. Oh, je sais plus, c'était un truc dance effectivement, je me souviens, ouais. Ouais, you are my high. Ouais, you are my high, exactement. Oh là là, dis donc, on va chercher loin. Ouais, mais bon, c'est, tu voilà, es mon œil. Yeah. Sandro est bilingual. Bilingual. Mais c'est mes yeux. Eyes. Ouais, c'est ce que je dis. Tu parles my bien. My eye. Tu mon œil. Tu es mon œil. Tu vas bosser quand, hein, Z100 à New York. H-I-G-H. Tu es mon O. D'accord. Hein, tu vas. Hein? Tu vas bosser quand, Z100 à bah New York? Quand ils me prendront. Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. On peut coucher là-bas, ça marche ou pas? Ah oui. C'est vrai. Là-bas, surtout là-bas. Et bah parfait. Ah bien sûr, bien sûr. ZZ1, voilà, ouais. Mickaël, le podcast. Nous sommes en avril 2010. Bonsoir à tous. Moyen-Orient. Le premier ministre israélien est au cœur d'un scandale immobilier. Il aurait agrandi son mur sans l'autorisation des voisins. Environnement. Alain Delon demande au Canada d'arrêter la chasse aux phoques. Stevie et Bertrand Delanoë peuvent dormir tranquilles. People. Vincent Lagaffe est un héros, il a sauvé 3 vacanciers à Saint-Tropez. De la noyade ? Non, il aurait dissuadé les touristes au dernier moment d'aller voir son film. Perturbation à la SNCF. Camélia Jordana va donner un concert dans un TGV. Pour une fois, ce sont les usagers qui ont décidé de faire grève. Insolite. Une adolescente sort du coma en parlant l'allemand couramment. David Charvet a demandé à être mis dans un coma artificiel pour apprendre le français. Études scientifiques. Au Royaume-Uni, un homme sur 10 laisserait sa femme faire l'amour avec David Beckham. Et dans un même temps, 10 hommes sur 10 seraient prêts à enculer sa femme, Victoria Beckham. C'est fin, ça, le dernier. La classe, à la fin. Ah bah la classe est toujours à la fin, ça c'est ça qui est assez exceptionnel. Bon, on retrouvera bien sûr le Faux JT la semaine prochaine. Non. Non. Ah non. Oh, peut-être. Bah oui, enfin peut-être dans le best-of, mais je veux dire, ce sera le best-of la semaine prochaine. Non, donc, voilà. Oh, non, j'aime pas que ça soit dans le best-of. Jean, t'as pas donné ton accord, t'as pas signé. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Sandra qui est là maintenant, 18 ans de Pau. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va Sandra? Ça va, et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, tranquille. Hein. On est à l'avant-dernier jour de la semaine de vacances. ça va, tranquille. Ça aurait pu être la semaine dernière, ça aurait évité pas mal de problèmes d'avion, de grève, enfin de tout quoi. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Ouais, c'est clair. Bah voilà. T'as eu des vacances toi? Tu pars en vacances? T'es en vacances? Non, moi j'ai les vacances qu'à partir de demain soir. Ah, t'es donc sur quoi? 64. Ah, et à Pau, je crois que ça fait partie de Bordeaux alors, enfin Ouais, ça fait partie de l'Académie de Bordeaux. Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais. Ok. Bon, bah parfait, tu pars quelque part? Grâce à Michab et le 27 avril, j'assiste à l'émission en fait. Ah, ouais, oui. Bon, enfin bon, je parlais de vacances quoi. Oui, mais non, mais je pars une semaine, oui, à Paris, en vacances. Ah, du coup, tu pars une semaine à Paris, d'accord. Ouais. Alors, t'as prévu de venir comment? En avion, en train? En train, je me tape 10 heures de train. Ah ouais, ouais. Ah ouais, la ouais, chance. Bah, on n'est pas à l'abri que ce soit annulé avec les grèves. Hein. Non, t'inquiète. Ah ouais, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais, Sandra. Enfin bon. Bon, tu nous appelais pourquoi à la base, Sandra, sur la bienvenue. Avec mon copain, on a décidé de réaliser une sextape. Et en fait, il a filmé, il a gardé la vidéo. Et il m'a envoyé par MSN, et vu que moi et les ordinateurs, ça fait deux. J'ai enregistré la vidéo sur l'ordinateur de mes parents, et mon père, il est tombé dessus. Oh là là. Et quand je suis descendue, ben en fait, mon père, il était en train de mater la vidéo. Il était en train de se branler en la regardant. Oui, elle est bien, ma fille. C'est pas mal ce qu'elle fait. Mais oui, dis donc, elle a l'air plutôt souple, sa mère. Non, donc je suis repartie en fait dans ma chambre et le soir au moment d'aller manger, ça ton père te regarde plus pareil semaines, depuis. Hein. Voilà, mon père il me regarde bizarrement, hein, il m'adresse plus la parole. Enfin, mais attends, c'est ouf, franchement, tu vois une vidéo de ta fille qui est en train de se faire démonter, mais tu coupes direct, tu vois. Maintenant, il s'est fait virer, tu me cochonnes. J'étais en train de la regarder, je sais plus quoi faire. C'est horrible. Franchement, c'est assez glauque quand même. Hein. Et d'où il regarde? Sur l'ordinateur aussi. Mais non, arrête un peu. Mais non, mais tu fais. Non mais même, attends, il y a une différence. Attends. Moi je vais direct sur les sites où tu fais de l'argent et je la mets. Hein. C'est ça, il y a une différence entre il a cliqué parce qu'il savait pas ce que c'était, il est tombé dessus et il a vite arrêté, ou alors le mec il regardait quoi, comme il regarde un film. Mais moi obligé, je la mets sur les sites payants, hein, histoire de me faire de la thune. Et toi t'es reparti dans ta chambre? Oui. J'aurais pris le premier vase qui passe, j'aurais lancé quoi. Non, mais quand j'ai vu qu'il était en train de la regarder, ça savait plus où me foutre, je suis parti dans ma chambre. T'as voulu le laisser un petit peu tout seul, à l'aise, pour pouvoir profiter du spectacle. Tof, putain de merde, c'est sa fille. C'est ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable d'être dérangé comme ça. Attends, j'espère que t'auras jamais d'enfant, toi. Ouais, le jour aussi. Où t'es en galère. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Allez, viens, on va faire un petit vidéo, une petite vidéo. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Peur, je suis ton papa. Arrêtez, c'est pas drôle. Mais cette affaire. Mais dégueulasse. Tu ne risques rien. Ça doit être dégueulasse, quoi. Et il boit. Ouais. Oui, il s'en branle, il boit, et après il va manger, il est tranquille, c'est quand même exceptionnel. Je vais digérer un peu. Et Sandra, qu'en pense ton mec? Mon copain, il n'ose plus venir chez moi. Je peux comprendre. Mes parents. Bonjour monsieur. Oh, dis donc, bel engin. Hein. Ah, tu es bien membré mon garçon, je suis fier de toi. En plus, elle criait bien fort. Et ta mère, elle le sait ou pas? Je sais pas. Ah bah j'imagine, à mon avis il a dû lui dire. À mon avis, oui voilà, ils ont dû en parler, mais maintenant mon père il m'adresse plus la parole, il me regarde pas. Enfin il me regarde pas comme il me regardait en bas avant. C'est normal, s'est rendu compte que tu n'es plus sa une petite enfant. Fille. Voilà. Voilà. Et que du coup tu es devenue la fille de quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça le met en galère. Quand t'es arrivé, que t'as vu qu'il était en train de mater la vidéo, il était à quelle partie? Et il était à la moitié. Non, mais donc il matait vraiment tout quoi. Oui, il a maté la vidéo quoi. Tu faisais quoi? Tu faisais une pipe? Tu faisais quoi? Non, j'étais en dessous et lui il était au-dessus. Oui, à ce moment-là, mais bon, j'imagine ça va. Que... Ça va, non, c'est pas la meuf avec la top dans la bouche et tout. Oh, ah, mais oui, tu sais pas. Tu sais pas, s'il a tout maté. Hein. Ça a duré combien de temps? Ah ouais, ouais. La vidéo, elle a duré... Il a comment... 5 minutes, au bout de 5 minutes, il l'a arrêté, parce que ça gonflait. Ouais, il a dû voir que t'étais rentré, quand même. Au bout de 5 minutes. Mais non, mais parce que voilà, c'est, je sais pas, moi j'étais gênée du fait de... Bon, j'étais d'accord pour faire la vidéo, mais au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Pour que ton daron, il la voit, oui. Oui, voilà, ça aussi, j'étais pas... Je pensais pas, en fait, je savais pas que c'est qu'elle avait été enregistrée. Mais déjà, d'où tu la mets sur Internet? Enfin, moi, je propose qu'à la prochaine réunion de famille, tu la fasses profiter à tout le monde, maintenant que papa l'a vue. Ah ouais, non, mais... Ce serait bien que Pépé la voie. Bon, et puis, c'est vrai que t'es particulièrement chiant en informatique. Hein, si je me permets. Mickaël, le podcast. Bon, on va jouer au Serco Game maintenant avec Marlène. Il y a Karine également. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, ouais. Pardon. Alors, Marlène, t'appelles de Lyon? Oui. Et tu veux jouer avec qui? Avec Roux. Avec la Rousse. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Gentil. Bah, ça tombe très très bien, parce qu'en plus, il n'était pas en train de manger. Ouais. Et toi, Karine, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Avec Sandro. Très très bon choix. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Roux, là? Mais en fait, mon biceps, il est beaucoup trop gros. Arrête un peu. Là. Non, il est beaucoup trop gras. Ouais, voilà, non. C'est ça. Du coup, t'as tout qui glisse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de dire que t'as un trop gros biceps, ça veut rien dire. Si, regarde ça. C'est bon, t'es prêt? Allez, on fait un test. Fais un test doucement, toi. Ah! Voilà, je fais un test doucement. Chez Sandro, par contre, j'ai pas entendu le test. Ah, pardon. Ah, parce qu'il l'a pas fait. Tu m'as coupé? Oui, je t'ai coupé. Mais je peux te remettre? Non, ça va. Ah! Non! Mais plus fort. Ouais. Encore un peu? Ouais. 6. 7. Non, bah non, tu me demandes. Tu vois, il est tranquille, ouais, hein, il est tranquille. Ah voilà. Tu vois la différence, hein, quand il mitonne et quand il mitonne pas. Il y a pas grand-chose, hein, mais on se rend vite compte. Bon, Marlène, tu joues donc avec Larousse. Karine, tu joues avec Sandro. Nous allons donc jouer au Serco Game. On salue Nico qui est avec nous ce soir. Comment ça va? Bonsoir, Mickaël. Bah, je suis un peu retourné. J'ai vu une sextape entre Jean et Carla. Oh, quelle horreur. C'est dégueulasse, ce que vous dites. Mais c'était horrible. Ah oui, mais ça, je vais bien croire. Ça reste entre nous. Oui, oui, bah, ouais, de toute façon, ça ne sortira pas d'ici. Oui, bah personne n'écoute, de toute façon. Bah, je souhaite que ça ne sorte pas de là. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est bien sorti de lui. Hein. Oh, est-ce qu'on peut commencer le jeu là, Nico. Parce qu'on va avoir des problèmes encore. Vous êtes dégueulasse. Bon, on va jouer donc Marlène et Karine. Je vous rappelle la règle du jeu, hein, pour Sandro, parce que parfois elle oublie. Oui, j'adore quand tu la racontes. Je sais. Donc, on va poser des questions. Pardon, à propos juste, de Nico. C'est 1-2, le Real de Madrid. Ah, très bien. Voilà. On va poser des questions donc par rapport à Nicolas Sarkozy ou par rapport à l'actu People, en fait, tout simplement. Et Sandro qui a pris son magazine People devant elle au cas où. Ah, hein, exactement. Au cas où. Non, parce que je voulais lire mon horoscope à la base. Bah oui, bien sûr. Donc je vous pose les questions. Marlène et Karine, s'il y en a une des deux qui pense avoir la bonne réponse après que j'ai posé toute la question, elle donne son nom bien fort, ok? Ok, d'accord. Si elle répond et qu'elle a la bonne réponse, bravo, c'est l'équipe d'en face qui prend la décharge. Si jamais la réponse est mauvaise, l'équipe d'en face peut se concerter. D'accord? Ok. On y va. Première question. À en croire le Facebook de Nicolas Sarkozy, quel est son film français préféré? Au hasard, Marlène, Karine? La folie des grandeurs à tous les coups. Je sais pas. Tu sais pas? Allez, bah Karine, hein, je vais. Parce que s'il y en a aucun des deux qui sait, il faut que je choisisse au hasard. Karine! T'es malade ou quoi, toi? Dis Karine, au hasard! Au hasard. Je sais pas. Ah bah décharge. Au hasard. Allez hop, décharge pour Sandro. Ah, pour quoi, Sandro, c'est pas moi? Non, Karine, il joue avec Sandro. Ah, voilà. Parfait. Marlène, tu peux te concerter avec le roux. Marlène, t'as pas d'idée? Non, ok. Écoute, vieux film ou ancien ou récent? Les visiteuses. Marlène. Ah, tu me parles. Je sais pas, non, je sais pas du tout. Non mais vas-y, on va dire au hasard. Donc tu vieux film ou film récent? On va dire vieux film. Ah, on va dire vieux film, on va dire un De Funès. Ouais, mais lequel? Je sais pas moi. Ouais, ça va, on a pas le gendarme à Saint-Tropez, je connais que ça. Si t'en connais d'autres, vas-y. Hein, mais... Bon, non, je te suis. Bon, les gendarmes à Saint-Tropez. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. C'était à peu près couru d'avant. Aïe, ça fait mal. Oh, c'était quoi? Bien sec. C'était et précis. Home. Le truc d'un... C'est vrai, Nicolas? Oui, c'est le truc des écolos, hein. Il faut bien que je le sois un minimum. Tu peux nous le raconter un peu, ce film? Ben, en fait, c'est un film qui parle de la planète Terre et c'est... Oui, ça, on sait. Voilà, et bon, il y a des problèmes parce que l'écologie, c'est important. Oui, bien sûr. Allez, deuxième question. Deuxième question, 0-0. Qu'a donc proposé le mari de Katy Perry à Justin Bieber pour qu'il soit un peu plus rock'n'roll? C'est énorme. Ouais, d'accord, ok. Donc, toujours pas d'idée? Je vous rappelle que si vous ne savez pas, je prends au hasard. Non. Marlène. C'est pas... un bijou, je sais pas. Marlène, bijou. Marlène, ah, putain, Marlène. Ah, ouais. Bijou, c'est une mauvaise réponse. Décharge pour l'euro. Oh, il était bon celui-là. Celui-là, il faisait plaisir. Hein, oui. Un roux. Ah oui, c'est un peu simulé quand même, non? Non. Tu penses, Nico? Tu crois qu'il faudrait remettre une couche? Moi, j'aimerais Nico, bien en mettre un de ces quatre. Un de ces quatre. Bon, ok. Un de ces quatre. On, met une plus grosse décharge ou pas, Nico? Un de ces quatre. Oui, oui, oui. Il a dit oui. Allez, hop, tof. Non. Si. Les gars, je vais. Franchement. C'est bien, c'est le micro qui a pris. Arrête de taper dans le meuble, tu vas te faire mal aux enfants. C'est ça en plus, tu vas casser le meuble. Bah oui, on entend bien que ça fait mal. Bon, du coup, Karine, tu peux te concerter avec Sandro? La chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Non, c'est attends, on n'a pas validé. On n'a pas validé, c'est pas ça. Ne dis pas ça. Tu peux répéter la question? Non. De coucher. De coucher, c'est une mauvaise réponse. Toi, t'as pas à donner les réponses. J'ai pas donné les réponses. Surtout pas. Voilà. C'était moi, de prendre de l'héroïne. Ah d'accord. Petit conseil sympathique, hein. C'est bien. Ah, allez, troisième question, toujours 0-0. On peut pas dire que vous soyez très très bon. Pourquoi 50 Cent est-il en train de faire retirer la plupart de ses tatouages? Je suis vénère, j'ai vu l'article et la photo, mais j'ai pas lu. Non, je sais pas. Tu sais pas? Personne ne sait? Ouais, moi non plus. Psst. Culé, va. Allez, au hasard. Non mais attends, Micha a donné des réponses. Mais j'ai même pas vu, il disait. Il, à moi il donnait? Karine. Oh putain, sans gros. Comédienne. Au hasard. Parce que. C'est perdu. Décharge pour l'euro. Oui. Allez, Dijon pour Sandro, pardon. Oh, elle était bonne celle-là. Marlène Héroux. Donc on dit un truc parce que ah bah là il faut dire hein, non mais parce que Micha a donné la réponse donc je la connais donc si c'est ça parce qu'il est pas forcément au courant donc je vais dire autre chose mais si tu perds je propose que si tu perds ça soit Micha qui donne un cadeau aux deux ou Micha qui se prenne une décharge. Ah oui, ouais, ça serait ouais, pas mal ouais. Moi je suis pour la décharge à Micha. Oui moi aussi. Je dirais que c'est pour ça nous étonne pas Nico. Pour sa femme voilà pour faire plaisir à sa femme avec qui il va se marier. Pour faire plaisir à sa femme tu valides? Bah ouais. Eh bah il fallait pas. Mauvaise réponse, c'était voilà. Pour lui quand ouvrir. On est un film, non. C'était pour lui ouvrir plus de rôles au cinéma. Voilà, donc il faut décharger Micha. Il faut décharger Micha. On ira dans un instant, le temps d'arriver à une bonne réponse, hein, ça pourrait être pas mal. Dernière question, si vous ne trouvez pas, vous perdrez tous les deux. Pourquoi le pape vient-il de donner officiellement son pardon aux Beatles et à John Lennon en particulier? Parce qu'il est cinglé. Doucement avec le pape. Le pape, j'avais. Oui, c'est le pape. Non, hein. J'avais entendu pape et diouf. Hein. Le fameux fait-moi sexe. Pape et diouf. Bon, alors c'est du même, coup, Marlène c'est et Karine. Pas pape et diouf, hein. C'est pape diouf. Donc même le hasard, non, hein, ça c'est. Vous connaissez pas bien le hasard. Mais les questions elles sont pourries, on les a jamais les réponses. Un peu, là, c'est trop dur. Mais non. Si d'habitude je les ai. Ouais là c'était un peu plus compliqué. Non, vous voyez pas répéter la question. Non. Bon allez. Pourquoi le pape vient-il de donner officiellement son pardon aux Beatles et à John Lennon en particulier? Putain mais il pourrait pas pardonner les enfants avant? Non, j'avoue que c'est un peu complexe, hein, je suis d'accord. Et... Non? Au hasard? Non, je sais pas. Marlène? Je sais pas. Marlène, au hasard. Non, mauvaise réponse. Ah, mais dis au hasard. Décharge pour l'euro. Mais putain! Mais dites au hasard! Ça vous coûte quoi de dire une réponse au hasard? Une décharge. Non, voilà. Ça coûte ça. Allez, Sandro et Karine, dernière question. Bah, les Beatles ont dû critiquer l'église, j'imagine. Ouais. Tu valides ça? Ouais. Mauvaise réponse, parce qu'il avait déclaré être plus populaire que Jésus il y a 40 ans. C'est un peu pareil, hein? Ah, oui, un peu, mais c'est pas ça. Bon, et bah, mauvaise réponse, Marlène et Karine. C'est vous rentrez perdu. Chez vous toutes les deux, mais les mains vides. Hein. C'est rare hein, que ça arrive. Hein. Ah oui, vous êtes au taquet. On est enthousiaste. Ah ouais, bah oui, en même temps, ils ont perdu, tu me diras. Bon, bah les filles, gros bisous. Passez quand même une bonne fin de semaine. Je vous repasse chez Micha au standard. Salut les filles. Merci. Allez, à bientôt. Ciao à vous. Bye bye. Bon bah voilà, mais Nico, merci d'être venu là, pour être venu pour rien pour le coup. Hein. Bah oui, là. Bah ouais, écoutez, ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive même au meilleur. Vous n'avez pas prévu de prendre votre avion privé là pour partir à un endroit? Non, j'aurais peur de finir entre quatre planches alors. Oui, voilà, c'est ça. Vous partez pas en Islande? Non, je vais rester avec. J'ai déjà un volcan à l'Elysée, moi. Hein. C'est la femme. Oui, oui, elle a un volcan entre les jambes. Oui, on a compris, Nico. Merci. C'est surtout toi qui crache. Oui, c'est vrai. Bon. Mais ça empêche pas les avions de voler. Ouais, allez, c'est ça. Au revoir, Nico. Au revoir, à bientôt. C'est ça. Allez, à demain. À demain. Voilà. À tantôt. Au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. À tantôt. Mickaël, le podcast. Ce soir, on reçoit une des révélations de l'émission Incroyable Talent sur M6. Anthony Joubert, comment ça va? Ça va bien, écoute. En pleine forme? Ouais, toujours. Bon, alors, petite question directement pour mettre Sandro à l'aise, justement. Est-ce que tu penses au. Est-ce que tu crois au doublé de l'OM, là, cette année, après 17 ans de vache maigre? Écoute, depuis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? C'est incroyable. Hein. Oh, ça va. Non, mais voilà. Vous cherchez à chaque fois. Enfin, mais dans son accent, même ça. Quand il y a des invités, vous faites ça, mais c'est ça incroyable. Mais ça n'a rien à voir. Oh là là là là. Je comprends pas cette dispute. Je sais pas, mais non, elle est chiante. Elle veut parler de foot en dehors, et puis dès qu'on arrive à l'émission, ça l'énerve qu'on parle de ça. Voilà, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, tu crois, toi, donc. Entièrement. Oui, carrément. Entièrement, d'accord, ok. Alors, deuxième question qui est sur toutes les lèvres, mais que personne n'a jamais osé te poser. T'as lien de parenté avec le patineur artistique Brian Joubert? Non, mais on a une particularité en fait. Rire tous les deux. Ah, bon bah alors ça va, d'accord. Non, mais d'ailleurs, j'ai vraiment rencontré Brian Joubert et je fais ah, tu tombes bien. Bon, et puis enfin, troisième question. Là, tu vas nous parler avec cet accent toute la soirée? Ok, je change d'accent. J'essaye, écoute, j'essaye. Pendant une minute, j'essaye. C'est pas mal. Si, la phrase, ça allait là. Non. Alors, vas-y, dis. Je t'aime pas, toi. Non. Ça, c'est quand on est nerveux. C'est quand on est nerveux. Mais vous verrez que dès qu'on va l'emmerder, hop, l'accent il va revenir. Et quand ça ira mieux, bah, il parlera. Non, mais je vais essayer de m'énerver en parisien. C'est-à-dire. Va te faire enculer, sale connard. Non, t'as juste allé sur la RATP, ouais. Et en fait vous faites le concours de je ris pas là-dedans. Je ne suis pas parisien personnellement, donc je ne me sens pas visé. Par contre, tu en as un. Bah attends, Zidane. Non, je chie sur cette ville. Par contre, tu as l'euro qui est devant cette ville. Tu as l'euro qui est devant toi, ville qui me nourrit, tu parles. Bien sûr que oui. Oh bah t'as raison. Ouais. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de nos vies, bien évidemment. Voilà, je crois qu'on a posé les trois questions les plus pertinentes de l'histoire de l'interview. Je trouve aussi. C'est fait, nous pouvons passer à autre chose. Bon, bah merci à toi, Anthony. Merci à bientôt, beaucoup. Hein. C'était allez, parfait. Je rentre. Allez, salut. Bon, allez, reste encore un petit peu puisque je suis là. En plus, t'as vu, il y a de l'eau à boire, je sais pas. Ouais, j'ai vu, hein. Mais il n'y a pas le frigo. Ouais, non, alors on peut pas tout avoir, ouais, ça fait que c'est chaud. Ouais, c'est petit budget énergie, quand même. Très petit. Ah, bah, très petit. Très petit. Bon, on va se faire quelques petites infos qu'on a trouvées dans ta bio. Très, très petit. Ça, tu me diras, en fait. C'était un message. Non. Tu me diras si elles sont bonnes ou fausses. En même temps, c'est ton attaché de presse qui nous les a filées, donc tu verras avec elles s'il y a du faux. D'accord. Voilà, on commence directement. Donc, t'as commencé à jouer la comédie tout jeune, à l'école, en faisant des imitations. C'est vrai. T'imitais qui? Eli Kaku. Ah, t'arrives encore là? Non, j'ai plus la voix. Monsieur. Non, mais j'arrive plus. Non, là, je sais pas. Bon, alors, qui d'autre? Ah, bah alors, faut rigoler. Tu vois, un petit peu, tu t'en. Ah ouais? Un petit peu, ouais. Je vous ai vu, là, énergie. Il y en a d'autres que t'arrives à faire? Bien, en fait, je voudrais le reprendre. Ah ouais, tu le fais peut-être, ouais. Vous m'avez encouragé. Il y en a d'autres que t'arrives à faire? Cantona. Mais les accents du sud aussi. Ouais. Fais-le, Cantona. Cantona, c'est putain. Voilà. Oh, c'est génial, bravo! On a Pedro également écoute, je me kiffe vraiment. On a Pedro qui est un grand imitateur également et il fait souvent quelques petites apparitions comme ça dans l'émission. Alors Pedro, face à moi, t'es un petit joueur. Bon, essaye d'imiter Carla Bruni Sarkozy. Attends, Cantona, Cantona, on peut commencer déjà. Voilà, Cantona. Bon, Cantona. Bonjour, c'est Eric Cantona. Écoute, on a l'impression qu'il est sur le plateau quand même. Le petit dernier, Carla Bruni Sarkozy. Bonjour, c'est Carla Bruni. C'est génial, hein. Merci, ça, c'est ce grand talent. Non, mais c'est... Attends, mais il fait. Je donnerai des cours si tu veux. Ah, bah attends, il fait une école pour ça. Hein. L'école des imitateurs du 16e arrondissement. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, revenons sur toi, Anthony. Donc, à 14 ans, tu jouais des sketchs dans les écoles et dans les petites fêtes de quartier. Des sketchs que tu écrivais déjà ou que tu piquais à d'autres Je piquais à d'autres. Ah, tu piquais déjà. Je piquais et j'avais toujours. Mais j'étais pas sûr de moi, donc je faisais 3 minutes de ce que j'avais écrit. Ouais. Ça marchait, donc ça m'encourageait à. Et petit à petit, je commençais à écrire un quart d'heure. 20 minutes. Et c'est qui ton préféré, l'humoriste, le comédien, l'humoriste. Celui que tu piquais le plus, à qui tu pompais le plus d'infos, enfin d'infos de sketch à l'époque? Bah, celui qui écrit avec moi maintenant, Eric Collado. D'accord. Et nous c'est nous. Très bien. Si tu fais ça. Oui, tu fais ça. Tu dis ça parce que tu bosses avec lui maintenant ou c'est vraiment? Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une patte exceptionnelle, qui écrit d'accord. très bien. Bon, à 17 ans, tu fais une formation d'animateur et tu travailles dans les clubs de vacances. Bon, en gros, tu deviens géo. Oui, c'est voilà. Ça. Où c'est ça, club de vacances J'ai fait le Club Med, j'ai fait le Haut-Lagrange, j'ai fait un petit peu... En France ou... Non, en France, juste en France. Ah, déjà que je parle pas bien français. Pas peur de terminer comme Vincent Lagaffe hein. Ah bah, écoute, c'est pas mal déjà. Avoir un portefeuille comme lui, c'est cool. Ah, jusque là, oui, je parle surtout du dernier film. Ah ouais. Non, ouais. Ah, je l'ai pas vu, il est pas bien. Oui, mais t'inquiète personne, pas, personne. Ah, ils sont 5000 en France à l'avoir vu. Ils sont 5000 et lui, c'est 4000. C'est quand tu fais un sondage, c'est difficile. On est 10 personnes là pour arriver à trouver une personne. Là, c'est dur. D'ailleurs, personne n'a été voir. Non, bah personne. Voilà. Mais moi, j'ai essayé. Ah oui, ça pour ça, y a pas de problème. Mais tu as essayé. J'ai essayé, mais je suis pas arrivé à rentrer dans la salle. Ben non, je l'ai pas trouvé. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Bon, à partir de 19 ans, tu commences à faire des premières partie de très grands humoristes, Titov, Gad Elmaleh, oui, Patrick Fiori, c'est ça. Patrick Fiori également. Patrick Fiori, très très grand humoriste musical. Pourquoi ? Je devais faire, je faisais une soirée spéciale et puis il y avait Patrick Fiori, donc j'ai fait sa première partie. Ah bon ? Ouais, c'était cool. Écoute, ça va, il était bien. Mais ouais, j'aime bien, moi, il chante bien. Ah ouais. Non. Oui, il chante bien. Non, c'est parce qu'il est corse que tu dis ça, t'as peur d'être en J'ai une maison pas loin. Ah d'accord, ok. Bon alors on a compris, t'inquiète pas. Bon et puis après t'as gagné pas mal de récompenses dans les festivals d'humour, notamment celui de Plan de Cuc. Plan de Cuc. Plan de Cuc. Plan de Cuc. Bah oui, écoute. Et donc c'est là le début. C'est de Marseille. C'est là. Bah oui. Et Plan de Cuc. Arrêtez de vous moquer. Mais non, si je vois que vous moquez, vous faites. Mais non, mais pas du tout. Je manque de Paris, moi. Pas du tout. Tu pourrais. Paris, tu peux y aller. Pas de problème. Donc et puis c'est à partir de là justement le début du succès, tu t'achètes une voiture. Exactement. Première main ou oui, Ah ouais, quand même, c'est pas mal. C'était quoi comme voiture? Une Clio. Une Clio, mais c'est bien. Renault Clio. Mais ancien modèle. Ah oui, bah oui, bah forcément. Voilà. Forcément. Mais à l'époque, c'était le nouveau modèle. Non, ancien modèle. C'était déjà l'ancien modèle. À l'époque, c'était l'ancien modèle. C'était la fin de série, c'est bien, je vais prendre celle-là. D'accord, OK. Bon alors Non, elle était pas elle était d'occasion, mais elle a été utilisée qu'une fois. D'accord. Première main, mais bon, d'abord avant moi, première main. Voilà, seconde main. Seconde main. Elle consommait beaucoup ou pas? De quoi? Les pneus étaient en bon état? Ah non, bah, j'ai eu que des merdes avec. Hein. Ah ouais, bah ouais. Enfin, bon, je me suis fait arnaquer d'ailleurs. Non, mais je m'en rends compte à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avec les voitures que j'ai dit, putain, finalement. Maintenant qu'il prend le métro, il s'en est rendu compte. Non, il t'en fait Ferrari, tout ça, etc. Donc évidemment. C'est bah oui, maintenant j'ai un chauffeur. Voilà, c'est ça. J'ai un chauffeur, le métro. C'est le mec qui vient me chercher. Voilà, c'est ça. Bon, et puis Eric Collado, donc t'as proposé de jouer avec lui dans une pièce qui s'appelait Entre père et fils. Oui. Alors, tu l'as vu, Eric Collado? Je n'ai pas eu la chance de le voir malheureusement, mais ce sera avec plaisir pour bientôt, du moins j'espère. Comment enfin, Vincent Lagaffe, tu peux avoir des places quoi. Ah non, pas du tout, hein, t'inquiète pas. Eh non, mais tu peux pas avoir des places. Mais si tu veux, je te filerai le DVD. DVD. Je peux avec plaisir. Oui. Gratuitement. Ça va. Tu m'as offert une Coca. Ah, alors ça va. Allez, tu peux en prendre deux. Non, vraiment, j'ai le. Non, il y a pas le frigo Coca chose. Ah oui, c'est vrai, merde. Bon, on a le frigo là-bas si tu veux. Bon, ça serait pas mal. Bon, donc entre père et fils. Alors Eric Collado, donc pour ceux qui voient pas, donc c'est le gros dans. Comme tu disais justement. Le costaud. Ouais, voilà, pardon, il a maigri, tu sais qu'il a maigri. Il a perdu 70 kilos. C'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Non, il a perdu 70 kilos. Il a fait un régime dissocié basse calorie. Et du coup maintenant il pèse 110 kilos. Oh. Ah non, ouais, 90 à peu près, un truc comme ça. Ah oui, il a maigri. Ouais. Ah oui, donc, ouais. T'as vu Sandro? Parce qu'il est au régime elle aussi. J'aimerais bien, oui, si tu peux me laisser la recette. Écoute, il buvait entre 5 et 6 litres d'eau par jour. Oh. C'est dangereux. Mais écoute, non, mais il pissait, un volcan s'éveille. parle pas de volcan là. Non, des humeurs. Oui, ils ont la haine. Ouais, voilà, c'est ça, on va changer de sujet. Donc, nous c'est nous justement, donc une troupe d'humoristes d'où viennent notamment Jean Dujardin. Oui, entre autres, Bruno Salomon également. Et donc ça parlait de quoi cette pièce justement? C'est l'histoire d'un père et son fils en fait. Ah bah oui. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Oui, on s'est dit tiens, on t'a écrit le titre comme ça. Non mais en fait c'est le réveil d'un adolescent jusqu'au passage pour aller à l'école, l'amour, le préservatif. Le père a trouvé un jouet dans la chambre de son fils. Le drame. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aussi? Le travail d'été parce qu'il faut trouver un travail pour ce petit. C'est ça. Le fils qui va en boîte, le père qui le rejoint, qui va le chercher au commissariat. Toute une histoire. C'est une histoire d'amour. D'accord. Aussi. Une belle histoire d'amour. Donc en tout cas, dispo en DVD. Non, mais sur Mule, oui. Téléchargeable. D'accord, ok. Parce qu'il y a un mec, que je vais retrouver qui l'a mis en piratage. Bon, et donc la consécration, la pièce marche super bien, tu t'achètes une nouvelle voiture, un diesel. Un diesel, ah, ouais. Mais une première main. Ah, c'est moi qui l'utilise. Ah, mais une Clio toujours. Ouais. Quoi, toujours une Clio? Non, une Golf. Ah, mais on a le droit de dire les marques? Oui, on s'en fout. On s'en fout alors. Alors, turbo diesel ou ou diesel tout turbo court. Diesel. Bah, quand t'accélères, ça avance ou tu fais marche arrière? Ça avançait bien. J'avais l'impression d'être dans Retour vers le futur, tu sais. Ah ouais, ouais. Oui, alors c'était les radars aussi, mais pleine de force. Tu l'as tuné ou pas? De quoi? Tu l'as tuné un petit peu? Oui, un petit peu au départ. Ah ouais. Non, t'as pas mis les néons en dessous? Non, c'est trop laid. Ah, c'est pas beau. Non, je respecte ceux qui veulent le faire. Ah oui, oui. Mais c'est pas. C'est nul. C'est nul. Ça n'est pas terrible. Vous êtes des cons. Attends, respecte. Attends, parce qu'il y en a, j'ai vu ça, ils mettent des lumières sur les roues. Donc du coup, ça tourne. C'est horrible. Ah oui, c'est oui, non, mais en plus, vous savez, ils baissent à fond. Du coup, quand ils vont à fond et quand ils prennent un dodan, ils vont à deux à l'heure. Les mecs, putain, avance, gros vieux. Ou alors, ils sont coincés sur le dodan et ils restent au milieu comme une balançoire. Oui, exactement. C'est joli aussi. Mais ça leur arrive souvent. Bah oui, oui, ça, je te confirme. Mickaël, le podcast. Le son de Tayo Cruz à l'instant avec Break Your Heart sur Énergie. Comment ça se passe au niveau de l'accent anglais? Tu maîtrises un peu ou pas? C'était bien le radio Énergie. Ah ouais, ouais. Ah, les Marseillais en général avec les accents, ils ont un peu de mal. Ah, c'est pas mal. Oui, mais non. Plus, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'as avec Marseille? C'est toujours toi qui reviens avec ça. Non, c'est vrai que vous avouez que vous avez un peu de mal avec les accents étrangers. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, nous, on parle pas français, on parle marseillais. C'est une langue à part. C'est plus sûr. Mais ouais. Tout est à part. D'ailleurs, tu vois, même je peux parler du racisme, parce que la dernière fois, j'ai vu un beurre qui disait, tu vois, à Marseille, il n'y a pas de jaune, de noir, pas de, blanc de beurre. Le mec, il arrive, dit, oh, je suis marseillais. Ouais, c'est vrai. Et c'est peut-être ça aussi le... d'ailleurs, on a trouvé l'histoire. D'ailleurs, la Ligue 1, c'est considéré comme la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Ah bah, c'est la Coupe d'Europe, à la limite, hein, avec Marseille, tout ça, qui risque de gagner. Là, le roux est ravi. J'en ai rien à foutre. J'espère vraiment que vous allez pas gagner le championnat. Ah, c'est normal, c'est normal. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, mais je crois qu'il t'emmerde. Ah oui, les premiers. Ah oui, non, c'est une bonne guerre. Pensez que vous avez gagné un match contre Marseille déjà. Oh, Sandro, t'es chiant à revenir avec le foot à chaque fois, là, putain. Non, mais au moment, on va l'exclure d'émission. Carton rouge. Je ne souhaite pas réagir. Je ne réagis plus à ça. C'est bizarre, tiens. Bon, tu participes donc à Incroyable Talent sur M6. C'est quoi déjà? Ouais, c'est ça. Donc c'était en 2008 et donc c'est là que le grand public fait ta connaissance grâce à ton pote, hein, William The Fly, qui est un chanteur de talent. Exactement. Voilà, c'est ça. Hein. Le talent, un petit village d'un du Rhône. À côté de Marseille, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il est venu avec toi d'ailleurs. Qui a joué contre Paris, qui a gagné aussi. Voilà, on lui posera deux, trois questions sur toi tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'est ça. Donc Anthony, donc t'arrives en finale de l'émission, tu perds, mais Gilbert Rozon donc te fait cette petite remarque à la fin de ta prestation. Oui. Gilbert, Anthony, c'est extraordinaire. Vous ayez traversé ces trois étapes. Vous avez fait un très bon travail ce soir. Et je voudrais vous dire que quoi qu'il arrive, que vous gagnez ou pas, vous êtes au début de quelque chose. Alors c'est le moment où ça va exploser pour vous. Alors profitez-en. Ça, c'est cool. Profitez-en. T'as tout compris? C'est pas possible. C'est pas possible. Profitez-en. Bon, et puis derrière. Tu vois que tu finis en tant que Marseillais de foutre de la gueule de son. C'est tous pareil. Ah, les gens et les accents, moi je comprends pas. Bon, et derrière, donc il te prend sous son aile et produit donc ton spectacle, hein, sous le label Juste pour Rire. C'est pas trop dur de bosser avec un mec qui a un accent à couper au couteau quand même? C'est pour ça que je le vois pas souvent. Ah, d'accord, ok. Tu prends des cours ou pas de canadien? Un petit peu, parce que je vais devoir aller au Canada et je suis allé l'année dernière. Mais j'apprends déjà leur accent. C'est dur, c'est dur. Et alors, tu sais qu'ils ont des expressions aussi là-bas. Ah oui, non, genre, j'y suis allé une fois, c'est un sors-toi une bûche, ça veut dire prends-toi, assieds-toi sur une chaise. Ah d'accord. Ça essaye vraiment sur des troncs d'arbres. Non mais là-bas, là, je leur ai demandé, je leur dis mais comment on dit putain il fait chaud ici? Il me dit ça on ne dit pas. Non. Il fait froid. Ah j'étais en mois d'août, il faisait 15 degrés, hein. C'était le summum là, on était au top, tout le monde était en short d'or, c'était l'enfer. Hein. Par contre si tu vas, t'as déjà été alors du coup, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Parce que quand tu vas, t'as déjà été dans les fast-food? Là-bas, oui, là-bas. C'est, oui. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Ah, mais. Je sais comment il dit le plateau encore, merde. Un cabaret. Un cabaret. Un cabaret. Je sais quoi, c'est mieux l'autre là. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai mis une gifle. Ah non, mais. Moi, après, cabaret, moi. Et après, le mec, il se dit, ça y est, encore un Français qui se fout de notre gueule. Hein, vous avez vu comment vous parlez, vous? On parle le bon François. Ouais. C'est vrai, au fait, effectivement. Et sinon, il y avait des boissons aussi, du breuvage. Tu as testé la poutine aussi? Oui, on a testé la poutine. C'est quoi la poutine? La poutine, c'est du fromage dans des frites avec du fromage, ils te remettent du cheddar dessus. Voilà. Encore un peu de fromage. Oui, un petit peu dans les frites. Voilà, c'est tellement. Ça. Ah, oui, dedans même. C'est horrible. C'est-à-dire que tu manges une frite. T'as bouffé pour la semaine. Tu fais un régime dissocié là-dessus. Ça marche pas bien. Ah, c'est pas un endroit pour Sandro ça. Non. Ah, ça c'est clair. Bon, et donc du coup M6 te fait confiance puisque il te donne la place justement dans Incroyable Talent 2009. Ça fait quoi du coup de passer de l'autre côté alors? l'autre côté du rideau, c'est autre chose déjà. C'est déjà t'étais payé. Oui, déjà. Mais en tant que stagiaire, donc pas bien. Bon, voilà, je c'est fais passer les messages aussi. C'est toujours mieux que rien. Oui, exactement. Voilà. Mais je te rappelle que la première saison, ils t'ont exploité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu. Moi, j'accepte. C'est de la pub aussi. Bah, c'est de la pub, et puis c'est pour ça que t'es là aussi, entre oui, autres. Exactement. T'as vu tout ce travail pour venir ici, c'est beau. Hein. Merci, bonsoir. Tout ce travail. Mais c'est vrai que ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit allez, vas-y, essaye de faire quelque chose, et puis j'étais enchanté de le faire, quoi. Mais comment ça se passe? En fait, tu faisais des trucs. Enfin, c'était des pauses entre les castings et tu faisais des sketchs. En fait, c'était pendant les castings. Moi, j'étais dans les coulisses et j'avais un cadreur qui me suivait. Et il prenait la tête à tous les gens qui étaient là en stress. Voilà, exactement. Et moi, j'allais les voir. Ou tu préparais? Oui, c'était que trucs. De l'impro. Non, non, non. Je partais, je m'amusais, puis on voyait ce qu'on faisait après avec les rushs, quoi. D'accord. Et t'étais content de pas avoir retrouvé Patrick Dupont là? Il était pas super enthousiaste avec toi, apparemment. Qui, la momie? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Non, il était pas super. Non, mais vers la fin, la boucle a été bouclée parce qu'il m'a dit j'ai beaucoup aimé William The Fly ce soir. Et je me dis bah, ça, Patrick, ça vaut 100 000 euros. Et donc ça m'a. C'était vrai? Hein? Ça valait vraiment 100 000 euros? Non, mais je voulais lui faire plaisir. C'était ça où il lui cassait la gueule. Voilà. Bon, et dis-moi un truc entre nous, hein, y a personne qui écoute, t'inquiète pas. Les clashs entre Smaïn et Gilbert, là, on va écouter d'ailleurs un parmi les nombreux qu'il y a eu. Celui-là, il travaille à l'américaine, toujours à l'américaine. Mais un peu de cœur, merde. C'est ignoble d'être aussi... d'avoir des préjugés comme ça. Ta gueule. Ta gueule. T'es là pour avoir du jugement. Juste du jugement. Tu es trop sectaire. T'es trop sectaire. Tu travailles trop à l'américaine. Il y a 140 candidats. Il faut en choisir 24. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 24? Alors, c'était vraiment chaud ou c'est pour le spectacle? À votre avis? Moi, je pense que c'est... Non, je pense que c'était quand même un peu chaud. Je sais pas. Moi je pense qu'ils en rajoutaient mais que c'était chaud. Eh ben moi j'y étais pas pour être franc, mais je pense que c'est un mélange des deux. Parce qu'on en a pas rediscuté même avec l'équipe. Mais je pense que c'est un mélange des deux. Ils ont dû vraiment se prendre la tête parce que même dans les coulisses ils se prenaient un peu la tête. Ça se vannait vraiment quoi. Et je pense que quand même c'était... Ils ont peut-être envoyé pour le spectacle aussi, mais il y avait une prise de tête. Donc toi t'as pas été jugé par Smaïn? Non. Ouf. Non, sinon. Je sais pas ce qu'il aurait pensé de ma presta d'ailleurs. Ah, écoute, ouais. On aurait pu lui demander, c'est vrai. Ouais, hein, ça doit faire mal d'être jugé par Smaïn. Bon, parlons un peu de ton spectacle maintenant. Donc, tu racontes l'histoire d'un mec qui se fait mettre à la porte par son père et largué par sa meuf parce qu'il veut devenir comédien. C'est ouais. Autobiographique aussi ou... Exactement. Ah, ça y est, quand même, ouais. Ça l'est aussi. Ah oui, c'est autobiographique. Ah, ouais. Oui. Quand j'ai dit à ma meuf, je veux être comique et tout, elle me dit ouais, bah, tu vas taper toutes les meufs du coin. Oh, machin, la vieille jalouse. Dégage. Ouais, non, mais même, elle en pouvait plus. Et puis moi, quand j'allais faire le con quelque part, elle faisait la con ailleurs, quoi. Ah. Bon, mais voilà, voilà. Ah ouais, bon. Ah ouais. Arrêtez de me faire dire des trucs. Hein. On peut avoir son prénom ou pas? Hein? Après, hors antenne. Donc aujourd'hui, t'es plus avec elle? Non, je suis plus avec. Mais elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé. Ah voilà. Bah ouais. Oui, elle s'est dit, putain, il passe à la télé. Voilà. Hein, voilà. Pour te dire quoi? Je sais pas, j'ai raccroché. Ah. Elle a fait putain, tu passes bien à la télé. Elle parlait avec l'accent aussi? Non. Ah, elle non? Non, voilà. Mais il y a que moi qui ai de l'accent. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu donnerais comme, je sais pas moi, comme conseil, comme avis? Qu'est-ce que tu dirais en quelques secondes là à quelqu'un qui n'a pas encore été forcément voir le spectacle et t'aimerais bien qu'il aille le voir à un moment ou un autre, quoi? Viens ou je t'éclate. Non. En même temps, t'es pas très grande. Du coup, il va m'éclater, moi. Non. Bah, ça dépend. Si vous avez envie de vous amuser, c'est pas un spectacle qui est prise de tête. Je raconte ma vie, c'est conflit des générations. Je parle de tout, je me balade dans le monde. Et c'est une histoire en forme de stand-up. Alors je chante, je danse, je m'amuse avec le public. Et voilà, pour venir passer un bon moment, et ben voilà, faut venir voir ce spectacle. Même s'il est à 22h, c'est bien. Oui, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, si on a des places à filer quand même. Oui, bah oui. Combien? Oui, j'en file. Combien? Tu fais une soirée spéciale pour les auditeurs d'énergie? Fais-le avec les doigts. Non. Avec une main, fais-le avec une main. Allez, 8 places. Il y a toujours un zéro, hein. Donc c'est 80. Allez. 100 places. Oh là là là là là. Mais 100 places, il est obligé de faire deux soirées spéciales. Hein. Bah oui, mais vous allez revenir quand même. De quoi? À la soirée? Ouais, ah bah oui, là, puisque les avions sont annulés, donc oui. Donc oui, on va venir avec plaisir. Non, mais bien sûr. Ouais. Bon, non, bah, place, j'en offre 11 de places. 11. Ah bah 11. Oh, ouais, mais comme des joueurs. On est déjà 11 dans l'équipe. Oui, hein. C'est vrai. Bon, mais 13. Allez. Allez, deux pour les auditeurs. Bouches-du-Rhône, 13. Allez, 13, voilà, 13 places à gagner. Merde. Allez, bah ouais, courez voir le spectacle. Mais non, il y en a qui va devoir venir tout seul. Comment ça? Bah 13. Non, ils pourront 13 fois 2, 13 fois 2, ça fait 26. On mais justement, plus. Ils, ah oui. ils en payeront une. Comme ça. Ah bah voilà. Ils gagnent un peu d'argent quand même. Effectivement, effectivement. Bon bah 612, débuté par énergie. Donc vous mettez, qu'est-ce que vous mettez? Débuté par énergie, puis vous mettez Anthony avec vos coordonnées complètes si vous voulez des places donc pour son spectacle. Mais voilà, c'est du mardi au samedi à 22h au théâtre de 10h. Voilà, comme ça ouais. si vous avez oublié tout logique. Ça, hop, c'est plus facile pour vous. Mickaël, le podcast. On a avec nous Anthony Joubert encore pendant quelques minutes, avec encore des places pour ton spectacle à gagner si vous voulez. Ouais, il en a remis 50. Oh, c'est beau! Oh là là! Génial! La générosité! Ouais, mais oui, c'est ça, ça non-stop, hein, quand tu viens ouais. du Sud, t'es content par le soleil, tout ça, donc t'es généreux. Non, mais du coup, comme à Paris, tout le monde court, donc courez au théâtre de 10h. Voilà, c'est ça, donc voilà. Il y en a qu'on, ceux qui courent pas. Allez, voilà, j'en ai remis une par-dessus, ouais, c'est bon. Bon, donc 612, débuté par énergie, puis vous mettez Anthony avec vos coordonnées et surtout votre numéro de téléphone. Bon, puisqu'on parlait justement de ton spectacle, il y a des spectateurs qui t'ont laissé des numéros de téléphone après pour t'héberger ou pas? Pour niquer, tu veux dire, ou pour... Si tu veux, après, j'en parlais pas comme ça, mais si tu veux, il y a si pas tu de problème. Si tu as des anecdotes, on est friands. Oui, voilà, c'est ça. Si tu as des numéros à partager avec Toff, si tu en as trop, que t'arrives plus à suivre. Si tu veux que je m'occupe des loges pendant que t'es pas là, il y a pas de problème. Voilà. Ou des moches. Non, non. Aussi, ça c'est bon. Voilà, pas de problème. Hein. Non, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une lettre la dernière fois. Je sais que vous êtes dans, vous n'arrivez pas à trouver d'appartement, machin. Vous êtes mis à la porte de chez votre père. Et elle m'a envoyé la photocopie du site internet de à vendre à louer là. Je jure, c'est vrai. Quoi. J'ai dit, putain, mais elle me dit, il y a une coloc qui cherche. Allez-y, appelez, machin. Elle m'a fait rire. J'avais envie d'y renvoyer, madame. C'est un sketch. C'est pour rire. Hein, c'est pas la vraie vie. Ouais. Pour rire. J'ai un 200 mètres carrés dans le 16e. C'est pas la vraie vie. Et on a aussi vu d'ailleurs que t'as essayé pas mal de choses pour essayer de reconquérir ta copine. C'est celle dont tu parlais là tout à l'heure. Là ouais. Ah donc t'as quand même essayé pas mal de choses. T'as essayé quoi pour essayer de la récupérer? Mais en fait, ça a été ça. Ça a été à force de tomber amoureux de voir d'autres filles. J'ai essayé de fois reconquérir mes copines. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais c'était surtout elle, quoi. C'était elle, j'ai vraiment essayé, puis bon, notamment avec une chanson, la chanson avec l'aide de William. Alors, c'est quoi le truc le plus fou que t'es fait pour récupérer une meuf? Putain. Je me suis mis sur ma Clio, j'ai chanté sur le toit. Mais comme elle a pas démarré, je suis pas arrivé chez elle. J'avais pris le portable et j'avais demandé aux gens de crier son nom et lui dire reviens. Ringard, c'est drôle ça. Ringard, je viens de gagner un festival, je l'ai fait. C'est le truc le plus ringard que j'ai fait. C'est un extrait d'un sketch, ça. Non, je l'ai vraiment fait. Il y a des photos dessus, tu vois, je te montrerai des photos. Ah bah écoute. Je suis avec le portable en l'air comme ça, comme un con. Ah, c'est dur, hein. Comment elle a réagi, elle? Elle a raccroché. Elle a été touchée, elle m'a répondu, elle m'a dit waouh. C'est génial, mais casse-toi. C'est génial, mais je veux plus te voir. Tu parles aussi de Paris, t'as découvert du métro. C'est tout ce que tu retiens de la découverte de Paris? C'est pas mal déjà. Ah oui, non, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial là-dedans? Non, le métro, en fait, c'était tellement rapide la première fois que le métro est arrivé, c'est les portes sont ouvertes, les gens sont sortis, les gens sont entrés, le métro s'est fermé, il est parti, moi j'ai pas bougé. Et puis là, pour venir à l'émission, j'ai pris le métro et on était tellement compressé. Sur ma tête, il y a marqué Exit Emergency. Mais il y avait tous les gens. Mais je me dis en été, mais comment ça marche, quoi? Ah, bah, il fait chaud, hein. C'est le sauna gratuit. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Tu perds du poids. Il y a un mélange d'odeurs. Ah oui, en plus. Fabergé, fraîcheur, citron. Il y a tout ce que tu veux. Il y a tout. Bon, je vois William de Fly là qui est en train de s'impatienter sur sa chaise. On va le faire venir. Bonjour William. Alors, elle est où l'écharpe, on te l'a volée? Viens voir. Oh, non, viens, assieds-toi. C'est moi. Donc tu voulais nous chanter une chanson? Non, mais c'est que parce que c'est que, hein. Ouais, bah, mieux chanter, quand hein. Tu veux, vas-y, hein. Ah bah, il faut la guitare. Ouais, ouais, alors la guitare, bien sûr. Vas-y, coupe, on mettra la pub. Regarde. Ouais. Ah, regarde, attends. Ouais. Impeccable. Voilà. Attention, mais c'est mon émission. Voilà. Allez, vas-y, William. Je vais faire une chanson pour toi que je savais pas quoi dire, donc je vais te la chanter. Fallait que ça tombe sur moi. Oui, ben je te vois. Ça pouvait être adressé à toi. Non, mais je te vois depuis tout à l'heure. J'aime bien. Oh, on y va. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi amoureuse me ferais une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi Pauline. Arrêtez de tout dire son amour. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfui au fond de ma couchette et de te prendre en voiture. Voilà. Bravo. Ah, c'est beau. Hein. Pas fini. Ah, et t'amener un satellite. Où tu... Et oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je me la tape quand même. Bah, j'ai fini. Très bien, c'était parfait. Bravo, on applaudit encore une fois William the Fly. Merci. Bravo, ouais, c'est bravo. Génial, la radio énergie. Ouais, c'était c'est génial. Hein. Allez, au revoir. C'est ça, au revoir. Anthony. Pedro, sors-le. Voilà. Attention à la guitare. Hein. Voilà. Ah, il est gentil. Oui, il est gentil. Ah oui, il est très très gentil. Hein, très, tu l'as rencontré où? Hein? Comment tu l'as connu? Atalan. c'est un ami à moi, on est collègues de Vervaine de Hollande. Ouais, d'accord. Ouais, okay. On s'est échangé. Ouais, moi je comprends, d'accord. Ça va. Très bien. Bon, Anthony, merci à toi d'être passé. Je rappelle qu'il y a encore des places à choper donc, pour le spectacle qui a lieu du mardi au samedi à 22h au théâtre de 10h, 6, 11, 12, débuté par Énergie. Puis vous mettez Anthony avec vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone. Bonne chance pour la suite. Ben merci à vous de m'avoir invité. Et puis bah avec plaisir. Et tu reviens quand superbe tu veux. Superbe équipe les gars. Oh, c'est j'adore gentil, ça. Merci. Ne changez venir. Rien. C'est gentil. Merci beaucoup. Sauf. Hein? Sauf. Non. Sauf personne. Bah, sauf même toi. Hein. Même toi je t'aime. Non. On viendra au spectacle. Michael, le podcast. Retour avec Sandra. Allô Sandra. Oui. Bon, en tout cas, la chanson de... merde, j'ai oublié son nom, mais non. William the Fly. William the Fly a cartonné. Un groupe Facebook, ils ont kiffé. Hein. Ah ouais. Bon, t'es drôle. Bon, c'était drôle. Ouais, non, mais de toute façon, le roux, il est trop perché maintenant. J'ai rien dit. C'est devenu une star. Non, le, j'ai rien dit. Non, le roux, il a aimé, mais ça l'a pas fait rire. C'est ça le problème. C'était vachement bien, mais ça l'a pas fait rire. Rien dit, putain. Bon, alors, Sandra, tu nous avais appelé en début d'émission parce que tu avais fait une sextape. Jusque-là, c'est, oui, voilà. C'est très très bien. Que tu as oublié de nous envoyer, par contre. Déjà que tu as oublié de nous la filer, donc ça, c'est déjà moins sympa, hein, tu vois. Bon, tu laisses ton père se branler dessus, mais nous pas. Oh, putain, mais c'est vrai. Ça y est, putain, je croyais qu'en une heure, il se sera calmé, tout ça, mais non. Non, bah bon. Non. Et donc, du coup, ton père est tombé dessus, tu l'as grillé, ouais. Et bah, il était en train de mater. Oui, voilà. Concrètement, c'est ça. Bon, alors tu demandais ce que tu pouvais faire, parce qu'au final, c'est fait, mais bon, oui. Les avis, quoi. Moi, j'avais demandé si des gens avaient déjà eu l'occasion de tomber sur leur père en train de mater un film de cul, et plus particulièrement quand ils sont l'acteur principal ou l'actrice, oui, principale. Et il y a Audrey qui est là maintenant, 29 ans, de Dijon. Bonsoir, Audrey. Salut Mike, salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Bon, bienvenue à toi, Audrey. Alors, tu voulais réagir à Sandra, toi? Vas-y, on t'écoute. Oui, bah écoute, moi le meilleur conseil que j'ai à lui donner, c'est d'en parler déjà seul à seul avec son père. C'est un peu glauque quand même. Hein. Papa, bon, tu as aimé ce que tu as regardé? Bah oui, mais écoute, tu veux lui dire comment? En même temps, Tof, il y a un moment où il va falloir qu'ils en parlent déjà. Je sais pas si sa maman est au courant, peut-être pas. Je me souviens plus, on avait demandé, je crois, mais ta mère est au courant ou pas? Je sais plus. Je sais pas. Bah, tu commences par là, tu vas voir ta mère, tu fais, est-ce que papa t'a montré mon film? Mais non. Mais non, parce que t'es grillé après. Non, faut peut-être voir que ton père en premier, dans un premier temps. Ouais, ou sinon on va pas le voir du tout, hein, attends que ça passe. Hein. Ouais, prends un appart. J'irai pas lui parler. Hein. Prends l'avion, va à l'autre bout du monde et change de vie. Va habiter chez ton mec. Va à l'autre bout du monde et change de vie. C'est un bon conseil, ça. Tu peux plus regarder tes parents normalement. Bah. Enfin, mais non, faut crever la faille, c'est pas une solution non plus de rien dire, il l'a vu, voilà. Bah voilà, il l'a après, vu, c'est parfait, tant mieux pour lui, et tant pis pour elle, et puis voilà, basta. Non, mais c'est, mais pas c'est ça, relou mais de se balader dans la maison en regardant par terre. Ouais, mais même si elle en parle, ça sera pareil, hein. Qu'est-ce que t'avais dit, Audrey, parce que Roux avait parlé en même temps que toi, et toi aussi d'ailleurs. Ouais, excuse-moi, déjà, non, enfin, le fait que... Non, excuse-moi, moi. Le fait que t'aies fait une sextape, bon, voilà, t'es pas la première, c'est pas un problème. L'enregistrer sur l'ordi des parents, mais quelle idée! Mais le pire, c'est que ton père a regardé, ça je comprends, oui, mais, pas. Et le pire, comme toi, mais je suis d'accord avec toi, c'est bien fait pour elle en fait. Ouais, mais pourquoi t'as mis ça sur le PC de ton père? T'es une dingue. Non, mais c'est surtout que c'est l'ordi familial, quoi. Mais encore en plus, c'est oui, mais tu voulais qu'elle le mette où? Sur un DVD. Calme-toi. Calme-toi, ça ne t'est pas arrivé à toi, Audrey. Calme-toi, Audrey. Par contre, parce que là, elle est partie dans un délire, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je sais pas ce qui est pire, c'est qu'il soit tombé sur la vidéo ou qu'il soit tombé sur eux en pleine action. Ah, c'est mieux qu'il tombe sur eux en pleine action. Bah oui, c'est plus naturel. Ouais, la vidéo, ça veut dire que tu te filmes, quoi, que t'es une grosse cochonne, en gros. Non, pas forcément, ça peut être un délire. Mais non, ça peut être un délire. Si, pour te filmer, faut être un peu cochon, quand même. Bah, ça peut être juste un délire, c'est pas pour autant que t'es... Ouais, mais c'est un délire cochon, ouais. Oui, non mais oui, mais c'est sexuel forcément. Mais ouais, je sais pas. C'est quoi, l'avantage, si tu tombes, si ton père ou ta mère tombe dessus alors que t'es en pleine action, en général, il ou elle est tellement surprise que limite elle s'excuse. Oh pardon. Et elle ferme la porte, là, elle s'en va. Son père, il se serait assis dans le fauteuil à entendre ce qu'elle raconte. Faites comme si j'étais pas là. Vous dérangez pas, hein. Vous dérangez pas, je m'installe. Comment il s'appelle ton mec? Comment il s'appelle ton mec? Ben. Et ton père, ouais. Roger. Non, à la limite, ouais, je voyais bien Roger qui dira ben non mais mets-lui plus comme ça là. N'importe quoi. Des conseils. Tu fais n'importe quoi. On voudra jamais ton affaire là. Chez sa mère, elle aime bien plutôt vers la droite. Essaye, on va voir si c'est si elle lui a donné ce petit côté. On va voir. Bon, et donc Audrey, tu ferais quoi toi? Tu irais parler au père en disant quoi? Audrey, toi, ça t'arrive, tu vas voir ton père. Autant, oui, ben moi, je veux dire, si ça m'arrive de ce côté-là, j'ai jamais eu de tabou avec mon père, donc je sais que je pourrais lui parler, ça, il y aura aucun souci. Mais c'est pas pareil dans toutes les familles. Exactement, non plus. Maintenant, vaut mieux taper dans le vif tout de suite. Je pense que le mieux, c'est qu'elle en parle avec lui, clairement. Et après, bon, bah, s'il veut en parler avec sa femme, bah, il le fait. S'il veut en parler tous les trois, ils le font. Mais à mon avis, il vaut mieux en parler déjà avec son père, calmement, posément, entre adultes. Voilà. Voilà. C'est son truc de se voir avec son mec. Bah, voilà. Non, mais qu'elle rentre pas dans le détail. Hein. Non plus. Ouais, non, mais voilà. Elle se dit qu'elle lui explique. Bah, voilà, on a fait ça, c'était notre délire, mais... Mais il vaut mieux en parler. Moi, je pense que tu devrais aller voir ton père et tu devrais taper un coup de pression à ton père. Tu dis ça, c'est pas comment, d'où tu m'as regardé. Ah, mais à tout moment, faut éviter le fait que le père se dise bon, je vais te montrer les photos de maman de l'époque. Surtout de l'époque, c'est l'angoisse. On a fait pareil. Parce que tu sais, à l'époque, ta maman était une cochonne, hein, regarde. Bah, il a subi, tu subis, chacun son tour. Hein, partout la balle au centre, on repart sur de bonnes bases. Bah, c'est ça, hein, partout la balle au centre, effectivement, ouais. Tiens, mais Sandra, quoi, encore tu parles de foot. Tu ferais quoi toi Sandro si c'est... Bon, tu sais que tu fais pas de sexté, mais ça t'arrive, ton père ou ta mère tombe dessus. Je vais habiter dans la rue. Je prends ma tante et je m'en vais. Directement. Non. Je vais pas le prendre entre quatre yeux pour lui en parler en plus, hein, ça c'est sûr. Et toi Roux? Comment t'appelles ta mère d'ailleurs? Valérie. Ah oui, c'est ça. Et ton père? Valéro. C'est drôle ça. C'est un nom de merde, si je peux me permettre. Hein, c'est un nom de merde. Ah, c'est un nom de merde. D'accord, ok. Donc tu dis que mais ton père est un nom de merde. Valéra, toi. Du coup. Parce que c'est moche. C'est encore pire que Valéra, c'est horrible. Ah ouais, franchement, ouais. Valéro, ça n'existe pas, je crois, de toute façon. Bon, non. Je sais pas, j'espère que non. Tu dirais quoi, toi? Moi, j'en parlerai, ouais. Ah ouais, mais un mec, c'est différent, quoi. Pourquoi? Bah, je sais pas. Non. Ouais, parce que c'est vrai qu'en général, le père, il dit ah, c'est bien. Ouais, en fait, voilà, même la mère, elle dit ah, c'est bon fiston, hein. C'est mec qui s'en sert. Si c'est ton daron, ça va. C'est si c'est le père de ta meuf, quoi. Là, c'est gênant. Ah ouais. Et vous, madame, la mère de Tov, si vous étiez tombée sur un DVD de votre fils en train de. Enfin bon. J'ai une collection complète, vous savez, à la maison. Vous avez une collection complète, vous et papa? 4 saisons entières. Oui, c'est ça, l'inverse, je l'ai déjà produit à ma entreprise. Donc... Non, attendez, j'ai pas compris, c'est la collection complète de vous et de papa ou de Tof? Oh, toute la famille. C'est mignon. C'est la cinémathèque. Quelle horreur. J'ai beaucoup aimé Noël 2005. Oui, vous avez un beau costume de maman Noël. Je me souviens également de vacances. Et Tof qui sort du cadeau. De vacances dans les Vosges en 87. Oh là là, dans la Fiat. C'était une panda, oui. C'était une panda. Un panda. Oh, mon Dieu. C'était avec un panda. Faut pas s'étonner qu'on se moque des Belges après. On a donc toutes les archives de la création des enfants sur cette génération. Ah oui. Les premières sont gravées dans le bois. Au moins, il connaît son arbre généalogique. Voilà, c'est ça. Il connaît ses racines. On a la vidéo de la naissance, la vidéo de la création, tout ça. Mais c'est pour ça que votre fils est troublé comme ça. C'est plus troublé à ce niveau-là. C'est des problèmes psychologiques. C'est troublant. Oui, c'est troublant. Il devient troublant. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, bah écoute, Audrey, merci à toi. Sans prie, y a pas de souci. Et puis, n'hésite pas, tu nous rappelles quand tu veux. Hein. Ok, merci. Gros bisous. Allez, ciao. À bientôt, ciao. Et puis Sandra, on va demander l'avis d'un mec aussi. Ce serait pas mal qu'on puisse savoir un peu ce que le mec ferait justement si s'il était dans ton cas, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Ne bouge pas de là, Sandra. Je suis tombé sur un truc totalement inutile. Ah, je croyais que c'était le problème du forum du jour, mais non. Emmickaël.fr. Non. Je suis tombé sur un... Alors, grosse photo, gros titre sur un site d'actu, Britney Spears. Ah ouais. Britney Spears sans les retouches, les photos. Ouais. On voit rien. Ah bah c'est-à-dire que j'ai mon nez collé sur l'écran là. En fait, si tu vois, jambes. Mais ouais. C'est-à-dire qu'elle a des genoux cagneux. Et ouais. Sur la retouche, c'est tout lisse. Et t'as son autre mollet, t'as les veines qui ressortent un peu. Mais sinon, pour le reste, tu vois rien. Et en fait, je pense, si j'ai peut-être lu l'article un peu vite, mais finalement, elle a refusé que ce soit la version retouchée qui paraisse. Ah bon? Ouais. Parce que là, j'essaye de voir la version en gros plan, mais on trouve pas quoi. Elle est en toute petite. C'est pas elle qui a été retouchée directement. Donc on voit rien du tout. C'est dommage. Ça m'étonne que Sandro n'en ait pas parlé. Donc ah, regardez finalement. Bah non, j'ai pas vu. Ah t'as pas vu? T'as les vidéos la photo? Non ouais c'est une photo mais je te dis on voit rien la photo est toute petite. Elle est trop petite la photo. Regarde attends je vais agrandir là. Regarde comment ça agrandit. Tu vois quoi comme détail là? La photo elle fait 10 sur 15 là grand max. Elle a grossi. Mais non. Elle a grossi. Mais non mais grossi la photo. Mais je peux pas. Oui il a comme ça mais ça va être que du pixel. Tu vas être bien avancé tiens avec ça. On verra mieux. Regarde. Ah, ouais voilà en plus c'est que le texte. Tu m'as mis le texte en grand maintenant là. Allez retourne chez toi là. Attends, avec ton gros chargeur si là. Tu cliques. Et non, bah voilà, oh, tu vois, il faudrait faire une capture d'écran d'un site d'info là et la mettre sur emmickaël.fr, c'est 20minutes.fr. Ouais. En fait, voilà, t'arrives sur la page d'accueil, la moitié des vols entre les États-Unis et l'Europe annulés demain, machin, tout le merdier, le volcan, et tout autour, t'as une pub nouvelle frontière avec les prix des séjours et tout le merdier. Ah oui, c'est pas mal, ça. Celle-là, elle est pas mal. Partez en Grèce, partez machin. Ouais, mais restez à Paris. C'est ça, pars en Grèce et bon. Prends ton billet, mais par contre, tu n'iras pas. Paye tes vacances, mais reste à Paris. Voilà, alors que le roux, il a trouvé, il part en voiture faire le tour du périph. Non, je sais pas encore. Bah, faire le tour du périph. Non, je sais. Ah oui, ça oui. Bah, c'est ce que tu fais chaque année, donc. Ouais, il y a un moment, c'est un peu redondant. Cette année, il a décidé de faire un truc exceptionnel. Il va couper par les quais, c'est peut-être la dernière. Ah oui, c'est vrai, après, s'il veut. Après, ils vont combler les quais. Enfin, combler, non, mais ils veulent. Non, de la Noé, il veut que. Oui, on l'a dit hier dans le match. Il veut qu'il soit piétonnier. Ça passera pas, c'est pas possible. Oh, bah on regarde les trucs de bus, tout le monde disait, oh, ça passera pas, regarde aujourd'hui. Il veut faire des îlots sur la Seine comme à Dubaï. Et s'il nettoyait la Seine d'abord? Non, mais elle est propre, hein. Ils ont commencé là. Non, mais elle est propre depuis Jacques Chirac. Hein. Elle est propre? Oui, c'est pas parce qu'il a dit qu'il allait sauter dedans. Non, il y a des mecs qui se baignent vraiment. Il y a des mecs qui se baignent vraiment. Il y a même des poissons, des races de poissons. Mais le premier qui a fait ça est mort d'un cancer depuis. Oui, mais c'était il y a longtemps. Mais là, il y a des mecs qui tous les ans traversent la Seine à la nage. Ah ouais. Et ils en sont fiers et tout. Ah ouais, bah tant mieux, écoute. Mickaël, le podcast. Allez, on va se faire le chéri, je t'ai fait cocu maintenant. On reprendra Ronan dans un instant qui voulait réagir à la sextape de Sandra. Salut Florian. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Ah ça va, ça fait plaisir de vous écouter. En plus, j'écoute depuis des années. Salut. Écoute, c'est gentil. Je m'écoute tous les soirs sous la couette. Ah, sous la couette? Ouais, carrément. Et tu te touches? Comment? Tu te touches sous la couette? Mais t'as un problème, tu veux te branler souvent ou quoi? T'as des soucis? Non, pas. Moi je l'avais pas faite. Tu vois, je m'étais dit, on en avait déjà fait avant. Mais je me suis toujours demandé. Ça m'excite. Ah, quand même. C'est la voix originale ou la nouvelle? La nouvelle. Ah oui. Qu'est-ce que tu racontes? La nouvelle voix, attends, mais il faut le temps que Jack. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Ah oui, la nouvelle voix de Sandro, tu parles. Ah oui, d'accord, ok. Quand elle devient plus homme. Oui, quand elle retrouve sa vraie nature. Ouais, voilà, c'est ça, sa vraie voix, concrètement. Voilà, c'est un petit peu ça. En même temps, c'est pas Sandra, hein. C'est Sandro. C'est une autre personne. Sandra Biff. Bon, alors, on va donc jouer maintenant, Florian, au chéri, je t'ai fait cocu. Ouais, ok. On va donc appeler ta meuf, ton mec, comment ça se passe? Non, c'est une nana. C'est une meuf, d'accord. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Chloé. Bon, alors, attention. Alors, est-ce que tu as 23 ans, t'as un an de plus qu'elle? Elle a un an de plus que toi? Wow. Eh ouais. Pas mal. Est-ce que tu as déjà fait des sextapes avec Chloé? Quel rapport? Aucun, c'était avec le sujet d'avant. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on en reparlera dans un instant, Ronan. T'as déjà fait des sextapes ou pas? Les quoi? Des sextapes. Les sextapes. Est-ce que tu t'es déjà filmé avec ta meuf? Est-ce que t'as déjà filmé tes ébats? Ah non, on n'a jamais fait ça, pas encore. D'accord, ok, très bien. On t'offrira un caméscope pour nous envoyer. T'emballe pas. Il n'y a pas de problème. Bon, emballe-toi, on va en trouver un. Oui, t'inquiète. Bon, Florian, c'est quoi l'histoire alors? Du coup, c'est Sandro qui joue. Ouais, donc en fait, moi je suis censé... Sandro, c'est la secrétaire de mon bureau, en fait. Mm-hmm. D'accord. Donc en fait, je lui ai dit que je rentre tard. Comment elle s'appelle? Chloé. Non, la secrétaire. Non, c'est sa meuf, la secrétaire. Non, ouais, la secrétaire. Ah, la secrétaire. Bah c'est Marie, mais faut dire Sandra, quoi, vu que c'est Sandro qui va... Ah non, non, on s'en fout, Sandro, elle peut s'appeler Thérèse, si tu veux. Ah ouais, non, c'est naze, enfin, secrétaire salope, quoi. C'est Marie, mais ouais. Qu'est-ce que ça, Samantha, ouais, Samantha, minimum. Il est au taquet, là. Mais non, mais... Il va finir des chocs pendant la pub, hein. Une secrétaire, ouais. Le fantasme de la secrétaire, c'est cochon. Oui, bah, ça dépend. Si elle s'appelle Geneviève, c'est pas vraiment... Non. Bon, allez, on y va. Comment tu t'appelles, alors, Sandro, choisis. Kelly. On pense qu'on prenne le prénom. Geneviève. Ouais, c'est ça. On prend le prénom de la mère du roux. Valérie, ouais. Voilà. Aller, ouais. Valérie, ah bah oui. C'est pas très cochon, Valérie. Mais non, mais c'est pas, surtout, c'est pas son vrai prénom. Donc, ah ouais. Mais... Bah voilà, c'est ça le problème. Je suis sûr qu'elle a un nom de cochon, alors c'est pas possible, tu veux me le donner. Attention. Flavie, je m'appelle. Flavie, d'accord, ok. Flavie, bon. Non, Claudia. Ouais, c'est parce qu'elle regarde dans le magazine People. Ouais, mais là, en même temps. Je m'embrouille si c'est pas le vrai prénom là. Claudia, ouais, tu l'appelles vrai. Claudia. Claudia, d'accord. Ouais, note-le, pour être sûr. T'es sûr, c'est bon, tu t'es décidé? Moi ouais, Claudia. Bon, ouais, Claudia. Allez, Claudia, chance parce que la page d'après c'était Matt. Allez, on y va, Florian, au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec le scooter. Ah, je peux pas m'appeler Lady Gaga. Non. Allez, on y va, c'est parti. Bonne chance, Flo. C'est pas très crédible pour une secrétaire. Claudia, elle s'appelle Claudia. Et quand non, elle Lady te parle, non. Et quand elle te parle, tu lui réponds. Non, Claudia. Quand elle te répond, quand elle te parle, tu lui réponds bien sûr. Non. Non, Claudia. Claudia. Allô. Coucou ma puce. Ah salut. Ça va ma chérie. Oui, ça va et toi. Je sais même pas si vous habitez ensemble ou quoi. Voilà, c'est vrai, si tu t'es renseigné aussi. Ouais. Ouais, je t'appelais pour te dire un petit truc qui me chagrine un petit peu. Ah. Je t'ai dit que, en début de semaine, j'avais du boulot, je pouvais pas venir te voir le soir, machin. Je t'avais dit que je bossais sur des événements. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai un peu déconné avec la secrétaire Claudia. J'ai déconné comment? Ben, on était au bureau, si tu veux. Oui. Marc était parti, si tu veux. Marc, oui. Il est parti à 18h. Et on a un peu picolé et ça a un peu parti en vrille. Tu t'es engueulé avec elle? Pardon? Tu t'es engueulé avec elle? C'est parti en vrille? Tu t'es engueulé non, avec elle? On a un peu déconné. Ben, je t'ai trompé, quoi. Tu te fous de ma gueule, là? Bah non. Attends, t'es sérieux? Tu m'appelles pour me dire que tu t'es fait l'autre pouf? Bah non, j'aurais pu ne pas te le dire aussi, quoi. Tu vois, on était parti sur une base de confiance et voilà. Bah oui. Quelle confiance! Oh, attends, ouais. Non, t'es sérieux, là? Chérie, fais-moi confiance, bah, je te oui. trompe. Non, c'est gros foutage de gueule, non, qu'est-ce que tu me fais? T'es où, là? Bah là, je suis chez moi. T'es chez toi? Et je suis avec... Je suis avec Claudia. Quoi? Comment? Et sérieux, tu te fous de ma gueule là, attends. C'est une blague. Bah écoute, non, elle m'a proposé qu'on aille boire un verre chez moi après le bureau, donc... Attends, tu passes pas me voir moi? T'es chez toi avec elle là, passe-la moi. C'est sérieux? Oui, elle est là, elle est à côté. Mais attends, t'es un connard, passe. Mais t'es un con de base toi ou quoi? Attends, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et t'es sérieux là? Attends, je peux pas me permettre non plus de m'engueuler avec elle, on est au non, bureau. Non, mais t'es... Attends, je viens d'arriver dans la boîte depuis 3 attends, mois. Attends, Florian, voilà, c'est quoi ce délire? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tu me dis qu'on est parti sur des bases machin, mais tu te fous de ma gueule? Oui, attends, je te la passe. Bah, tiens, Claudia, elle veut te parler. Tu rates Bones à la télé. Ouais, je sais, j'arrive. Fini, hein, bah, je fais vite. Mais vas-y, va te la faire, mais j'en ai rien à foutre, moi. De toute façon, t'es même pas bon au pieu, parce que tu viens me faire chier à 22h30, là. Je vais mettre un peu de musique. Ouais, bah vas-y, mets-lui de la musique. Lady Gaga, chérie. Ouais, mais il va te mettre autre chose, lui, pendant ce temps-là. De toute façon, il te mettra pas grand-chose, je te le dis, moi, parce que... Non, mais tu te fous de la gueule de qui, là? Mais attends, chérie, attends, mais vas-y, moi, je raccroche, c'est bon, tu restes avec ta pouffe. D'accord, ouais. Tu restes avec ta pouffe, hein. Et mais puis, non, mais chérie, attends. Ouais, et puis tu pourras jouer avec ton petit stylo, espèce de connard. Bah, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tu m'appelles pour me dire qu'il se tape. Bon, allez, vas-y. Allez, ça te prend le chou, qu'est-ce que c'est? Elle a raccroché. Elle est partie. Oh là, oh là, je suis dans la merde. Elle est bonne, là, elle est. Oh, elle a l'air gentille, ta meuf. Non, moi, je l'aime bien. Ouais, l'aime bien. Mais le problème, c'est qu'elle est assez. Elle démarre au quart de tour, non. Elle faut pas la faire chier, quoi. On l'a bien marqué, ça, dis donc. Ouais, mais on dirait qu'elle s'énerve sans s'énerver. Bon, moi, je vote mytho. Bon, on remet le couvert, on rappelle un coup. Mytho. Allez, c'est parti. Merde, où est-ce qu'elle est? Hop là, c'est parti. Dis-lui que tu l'aimes. Oui, je voulais dire, mais bon, à mon avis. Pas tout de suite, hein. Faut énerver encore un peu. Vas-y, connard, c'est toi? Oui. Non, non, mais tu te fous de ma gueule, espèce de morpion à la noix, là. Ta puce, non, mais attends, ta puce, non, mais. Non, Mais t'es un gros connard, je te dis. Non, j'attends rien du tout. Moi, vas-y, tu restes. Tu m'appelles même plus, t'oublies mon numéro, d'accord? Et attends, attends. Attends, chérie, le trouve derrière. Je vais te dire un truc, moi. Tu la veux la confiance? C'est qui, chérie? Tu la veux la confiance? Eh ben, je me suis refait Sylvain, espèce de connard. Et lui, au moins, il assure que... Garde-la ta pouce, de toute façon elle va se barrer, j'étais trop sympa, moi je suis restée avec toi parce que je la jouais le pauvre, je veux pas le laisser, tout ce de connard, va lui dégage. Eh Flo. Allô. Florian. Allô. Florian. On peut mettre Lady Gaga, hein. Florian. Oui. Attends, tu charries. Pourquoi je charrie? Elle est au courant du dos. Elle est pas au courant du dossier, je te jure sur la tête de mes parents, elle est pas au courant du dossier. Toi, tu sais qu'elle est... Bon bah dans ces cas-là t'es cocu mon pote hein. Et t'es bien dans la merde. Allez on la rappelle. Ah ouais ouais bon, on la rappelle. Oui. Allez oui oui oui. Bah, elle dit ça sur le coup de l'énervement. Non, elle m'a envoyé un texto donc ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. T'as le numéro de tous les auditeurs. Parce que Mickaël s'appelle Sylvain en vrai. C'est ça l'énervement moi. Ouais ouais allez on la rappelle. Vas-y elle défonce là parce qu'elle t'a trompé. Attends. Tu dis que ça se fait pas. Essaye d'en savoir un peu plus d'abord. Ouais je vais. Dis connasse parce qu'elle est connard. Ça y est son droit de trouver l'horoscope. Après 2 heures. Et c'est bon la semaine prochaine. Quoi? Ouais, c'est quoi cette histoire avec Sylvain là? Tu te fous de ma gueule? Mais va te faire foutre, connard. Ah ouais non, je crois que c'est pas du. ouais non, c'est peut-être pas du faux alors. Hein. Autant pour moi. Hein. Attends, on rappelle. Putain de merde! Oh ça va. Calme-toi, c'est pas grave. Une de perdu. T'as voulu de perdu, dis pas dans ton lit. Quoi? C'est quoi cette histoire avec Sylvain là? Franchement, là tu me prends le chou, tu vois, je vais te dire. Dis franchement. Ça, c'est un coup d'énervement. Mais pas, là, c'est sérieux. Bon. Mais non, je suis pas. Ouais non mais Florian, c'est bon. Non, je t'écoute pas. Va avec ta pouffe, là, elle t'attend, là va te faire du Lady Gaga ou du Lèche Gaga, vas-y, dégage. Franchement, dégage, Lady. Une espèce de. Bon, mais écoute-moi, Chloé. T'oublies mon numéro, sérieux, t'oublies mon numéro. Écoute-moi. T'oublies mon numéro, je ne t'écoute pas, d'accord? T'existes même plus. Alors ta petite sincérité, tu te la mets dans ton calbar, d'accord, hein? T'en fais ce que tu veux derrière l'oreille, tu les mets à elle si tu veux, mais moi tu m'oublies. Écoute-moi 2 secondes, laisse-moi non, parler. Non, je t'écoute pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu te l'es faite, ça y est, tu me l'as dit déjà, c'est bon, je le sais. Voilà quoi, c'est bon. Non, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est quand même... Mais quoi, 6 mois? Attends, je te vois une fois tous les 15 jours, t'as un petit stylo qui ressemble à rien, j'ai jamais osé te le dire, et là tu me dis en plus que tu me fais cocu. Ouais, tu te fous de ma gueule, là. Mais non, je me fous pas de ta gueule. C'est toi qui te fous de la mienne, tu m'appelles, t'imagines? Attends, moi je suis chez moi, papère et tout, tu me dis, je travaille le soir. De toute façon, j'ai même pas à te parler, tu oublies mon numéro. Mais tu arrêtes de m'appeler, de toute façon, là maintenant, je vais te dire un truc, Florian. Je raccroche, je coupe tout. Allez, vas-y, l'autre là derrière, là, Chloé. Oh, Chloé. Quoi? Oh, tu vas pas t'énerver comme ça pendant 107 ans, là, merde! Oh, les beaux gars, c'est qui ça? D'abord, t'es qui, toi? C'est Jean-Charles! Oui, Jean-Charles, bah écoute, Jean-Charles, Robert. Ouais, Jean-Charles, Jean-Luc, Robert, Jean-Robert. Bah, je veux dire, Jean-Robert, franchement, t'as intérêt à choisir mieux que ça tes potes, hein, je te le dis. Oh, bon, allez-moi, bah tu juges sur le prénom, bah bravo! Jean-Charles! Ouais, non, bah, c'est du racisme! Attends, en plus, vous faites une fiesta, c'est carrément une soirée que vous faites. Moi, je suis là comme une conne en train de regarder la télé, non, mais attends, bah, ça Louis, va. Arrête d'énerver. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est toi, Jean-Charles. Ah merde, pardon. Louis, je t'aime. Bon, allez, je vous laisse, moi, tu m'aimes, espèce de branleur, là, tiens. J'avais oublié que j'étais Jean-Charles. Ouais, par contre, mais elle a pas besoin de me répondre et tu me calcules. Mais non, faut la rappeler, là, sérieux. Bah démerde-toi maintenant. Ouais, attends, on s'en fout. Non, non, non. Pas comme si on faisait un jeu à la radio. Tu non, faut lui dire là, sérieux, attends. Oh là là là. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. On va essayer de la rappeler. De toute façon, t'es cocu, à mon avis, c'est mort. Hein. Enfin, moi, je dis ça après. Non, c'est pour te rendre service. Hein. L'important, c'est qu'elle a dit ça sous le coup de l'énervement. Non, quoi. L'important, non, c'est que tu le saches au début de la relation. Sérieux, j'appelle allô, les. Je te promets, Florian. C'est déjà la police. Je vais bonsoir, madame. Oui, t'as raison, c'est mieux. Ça vaut le véhicule, hein. Non, non, mais c'est bon. C'est Chloé, bon. Chloé, je raccroche et Chloé, je coupe le portable. C'est non, quoi ton signe? Non, mais c'est quoi ton signe? Je vais voir en amour pour la semaine prochaine ce qui va se passer. Chloé, c'est bon. Non, non, franchement, Chloé, c'est Mickaël. T'es en direct à la radio sur Energy. Ouais, t'as raison, oui, je suis en direct à la radio. Le Père Noël, il va m'appeler dans 5 minutes. Non, il n'existe pas. Allez, bouge pas. On... Chloé, c'est la radio. Chiant, toi, là. Vas-y. Attends, mets-nous une voix. Attends, raccroche. Non, c'est bon, attends. Il y a eu un truc énergique. Quoi là. Allô. Quoi, putain, non, mais c'est... Eh, franchement, c'est le Père Noël. Chloé, c'est énergie, Mickaël. La voix de bâtard qu'il a. Énergie, Mickaël, c'est quoi ce truc-là, énergie, Mickaël? Vas-y, fous-toi de ma gueule. Chloé, mets la radio, tu verras bien. Mais j'ai pas de radio, moi. Ah, bah c'est ça, c'est un problème, ça, par contre, effectivement. Ouais. Bon, mets-lui un jingle, Jack. Voilà, t'en as. Gaga, oulala. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, c'est l'autre pouce derrière qui a dansé là. Voilà, mais c'est mis dans les oreilles en plus. Voilà, non, mais c'est bon, c'est bon. Sur énergie. Bon, Chloé. Number one. Oui, c'est énergie. Voilà, c'est, oui, c'était, raison, c'était, énergie, c'était pour. Non, mais on a mis le jingle. Oh là là, les relous. Ouais, ouais, non, non. Je raccroche, je me fais chier là. On n'a pas des jingles des années 80. Ouais, ouais, non, je raccroche. Ne m'appelez même plus. Non, Chloé, c'est un. Bon, allez, casse-toi. C'est moi qui ai raccroché moi. Mais les relous, non, les relous, attends. Oh elle est relou, elle est cocu là normalement. Non mais non seulement non, mais elle, que... elle montre pas patte blanche non plus. Hein. Oui, oui, ça, ça a l'air d'être une bonne aucun cochonne. Rapport. L'expression n'a aucun rapport. Oh là là là là. Ah, mais rien à voir dans le contexte. Mais c'est bien dit. Mais non, ouais, mais je veux savoir son ça. Signe astrologique pour voir son horoscope. Eh oui. Tout vient à point qui sait attendre. Tout à fait. Eh ben, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais, ouais, oui, oui, enfin, oui. Mais il faut essayer d'un moment, contexte quoi. À mettre autour. Ouais, ouais, ça dépend des moments. Bon, Flo, Micha va essayer de l'appeler hors antenne. Hein. Ouais, faut, bon, faut l'expliquer. Même, hein. On va quand même te filer un petit scooter. Hein. Tu vas voir, ça va être cool. C'est et tout. Gentil. Ça te permettra d'oublier d'en draguer une autre. Bah voilà, la place ouais, du 9, tu vas voir. Tu lui files un scooter. Bah oui. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Franchement, Micha essaye de. Voilà quoi. Ouais, de... ça va bien se passer. Quand le scooter tu sais. Wiki 50 bla, que bla, tu peux bla. Voir sur gootherap.com. Bon, salut Florian. Merci, merci toute l'équipe. Gros allez, bisous, je vous écoute tout le temps. À et bientôt. Je vous tiens au courant pour ça. De faire pour la lèche, comment ça s'est passé. Ça marche, salut. A priori, pas très bien. Hein. Ouais, a priori, c'est mort. Hein. Mais enfin bon, on verra bien. Mickaël, le podcast. Au niveau du 9, Micha, comment ça se passe avec le chéri cocu ah bah, c'était du vrai, hein, ça je peux te le dire. Ils sont en train de se prendre la tête, donc apparemment. Si je puis me permettre, ils avaient rendez-vous dimanche. Attends, et là, c'est mal barré hein, pour le rendez-vous. Mais ah, c'est mal barré. On peut pas les mettre à l'antenne sans qu'ils s'en rendent compte. Pourquoi ? Bah, parce que sinon ils se parleront plus et on ouais, pourra plus entendre. Si vous le faites vite, Micha, si je le fais très vite, ça peut le faire. Tu me dis ? Vas-y. Allez, top. Donc, voilà quoi. Attends. Allô ? Ouais. Allô ? Micha ? Quoi ? C'est qui Micha encore ? Micha, c'est le standardiste. Allô, allô, oui, je t'entends. Oui, ouais, ah ouais, je te laisse en antenne, je te reprends dans 30 secondes, à tout de suite. D'accord. Oui, me reprends dans 30 secondes. Ok, ben bah moi je raccroche, hein, et puis on verra après. Là, franchement, là, j'ai pas envie de parler. Là, c'est bon, tu m'as foutu un coup de froid, là, avec ton Sylvain, là, c'est... Bah ouais, mais attends, ça fait que 6 mois qu'on est ensemble, et c'est vrai que, voilà, quoi, avec Sylvain, enfin, mais j'ai pas envie de... Et puis, bon, bah, je te laisse, hein. On verra pour dimanche, on verra après. Ça. D'accord. Allez, là ouais. J'en veux plus, là, et puis voilà, quoi. T'as voulu me piéger. Ouais. Allez, ciao. Salut. Non, franchement, ça me... Voilà, quoi. Ciao. Salut, ma puce. Au moins, il a un scooter, quoi. Mais quel idiot! L'autre, elle l'a trompé, il dit ouais, je t'aime. Et l'autre, lui, il a rien fait pour mais la peine. C'est pour ça que. Non, mais lui, il a rien fait, il est là comme une sous-merde, il est par terre, oui, je t'aime. L'autre, elle le trompe et elle se permet d'être au-dessus. On dit oui, vas-y, casse-toi, t'as vu ce que tu m'as fait. Tu m'as fait une blague, bah merde alors! Elle est gonflée quand même! Je suis choqué là! Ouais. Je suis choqué, enfin bref. Allez, mec du jour! Ouais. De quoi? Non, mais on peut l'appeler après la meuf et. Non, c'est bon, il se démerde, ça ouais, va. Hein. Ouais, attends, il a un scooter. On va faire toute la fin d'émission, le gars, il a pris un scooter là, il ça a pris va. Un scooter, voilà, il s'est fait tromper, c'est pas le premier mec qui se fait tromper. Voilà. Merde. Allez hop, on y va, Mac du jour. Bienvenue à tous donc dans ce Mac du jour. Un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Si on attaque avec ce premier titre dans l'actu, People et Narcotiques. Eric du duo Eric et Ramzy a été pris en flagrant délit hier en train d'acheter de la cocaïne. Il a été remis en liberté après qu'on l'ait ordonné de se soigner. Le dealer, lui, est toujours en garde à vue et on a pu récupérer l'enregistrement du passage d'Eric au commissariat. Bonsoir mesdames et messieurs les Monsieur. Policiers. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Oh, le petit chat. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Caca musulman. Non, Eric, c'est cocaïnoman. C-O-C-A-I, no woman, no cry. Très bien prononcé. Commençons la définition, s'il vous plaît. Alors, pour expliquer ce mot, Eric, mettons-nous en situation. La situation, Eric, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Il n'y a plus rien à boire dans mon frigo, il fait chaud. Oh là là, très très chaud. Et en plus, il est tard, l'épicerie est fermée. Ah, pu. Pauvre Ramzy, comment on va faire ? Oh, ce n'est rien, je vais faire appel à mon super-héros préféré. Il va me remplir le frigo de boissons à bulles des United States. Mais... Viens, super-héros ! Viens à moi ! How are you ? Je suis là. Je suis venu te sauver et te désaltérer. Tiens, voilà un caca. Un coca. Oh, merci un coca. Beaucoup, super-héros. De rien, c'est mon métier, je suis cocaïnoman. Nous ne voyons pas d'autres explications. Allez, on poursuit dans l'actu en France et en Europe avec ce terrible nuage de fumée qui empêche un nombre impressionnant d'avions de décoller. Hein. Et c'est un volcan qui a craché sa merde, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, vu la taille des cendres, hein, ça risquerait de casser les moteurs des avions, en fait. Donc, du coup, Roissy Charles de Gaulle et Orly vont fermer demain. Enfin, ont fermé, là, il y a 6 minutes. Aéroport fermé, Toyota défectueuse, SNCF en grève. On souhaite de bonnes vacances à toute la zone C. Bien sûr, bonnes vacances. Et on termine en France, toujours avec les nouvelles plaques d'immatriculation pour les voitures. Vous le savez, à présent, on peut choisir le numéro de département que l'on met, que l'on voudrait afficher au cul de sa voiture. Et un an après, on peut établir le classement des départements les plus affichés. Ouais, déjà, Paris doit être en baisse. Et oui, bah, comme pour le foot, hein, le 75 chute lourdement au classement. Hein. Et les gagnants sont 59 et 13. Le Nord et les Bouches-du-Rhône sont les départements les plus présents sur les nouvelles caisses. Lille et Marseille. Voilà. Putain, il y a tant de mecs que ça qui font du tuning. Bon, et sur ce, on passe au con du jour. Et je l'ai pris spécialement pour toi, Mike, le con du jour. Ça va te plaire. Allez, vas-y. Donc, en fait, donc je sais pas si vous savez, mais l'armée américaine est en Afghanistan en ce moment. Hein, j'avais jamais entendu parler de ça. Il paraît qu'ils font le ménage là-bas. Ah bon ? Ouais. Soi-disant, ils veulent restaurer la paix. Alors je sais pas. Et la démocratie, il paraît. Dans un premier temps, les Marines, Les Marines. Ils ont donc surtout bien exploité les armes, les tanks, les missiles. Enfin bref. Les femmes afghanes, ouais. Aussi, enfin tout ce qu'il faut pour faire parler la poudre et pas trop la paix. Et la semaine dernière, tout le monde a vu cette magnifique vidéo où on montre des soldats en fait en train de tirer, enfin de jouer au sniper sur des innocents. Donc forcément ça a fait un peu tâche. Et du coup mes cons du jour ont décidé d'adopter de nouvelles méthodes. Et maintenant les Marines chassent les talibans, mais grâce à un blindé, mais sur lequel ils se sont dit, plutôt que de mettre des mitrailleuses, on va mettre des haut-parleurs. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont mis dans les haut-parleurs? De la musique, je sais pas. Exactement, ils ont mis du Offspring et du Metallica. Ils vont être choqués, quoi. Bon, je suis pas tout à fait sûr que ce soit vraiment pacifique du Metallica, mais bon, après. Putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais putain, j'aurais kiffé le Taliban. Pour écouter le truc. Bon, merci Toff pour ce con du jour. Sur ce, on passe au sport, football. Le président Barack Obama. Barack Obama a promis qu'il irait en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde si jamais son équipe nationale se qualifie pour les quarts de finale. Ouais, et Sarkozy, fera sûrement la même chose. Mais c'est grave, ils ont pas autre chose à foutre de leurs vacances. Ah si, justement, c'est pour ça qu'ils parlent que des quarts de finale, ils prennent pas de risques comme ça. Et puis toujours foot, évidemment, l'OM risque fort de remporter le titre. Ils ont encore gagné hier, laissant Bordeaux 3 points derrière. Ça commence à puer un petit peu pour Bordeaux. Hein. Éliminé de la Champions League, éliminé des deux coupes, 3 défaites d'affilée. Ouais, je pense qu'on peut annoncer en exclu le nom du successeur de Domenech, hein, vu la loose. Laurent Blanc a commencé à se mettre dans la peau du sélectionneur national. Ouais. Et sur ce Mac du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on joue avec le traditionnel quiz des citations. À votre avis, Qui a dit « Je ne peux pas croire que je dise ça, mais laissez tous tomber le sexe. » David Duchovny. Non. Une grosse cochonne, Lady Gaga. Le golfeur là, Tiger Woods. Lady Gaga, bonne réponse. Ouais, ça c'était sûr. Comment il s'appelle le golfeur, Sandra? Tiger Woods. Ah d'accord. Non, j'avais mal compris. Golfeur Tiger Woods. Et pourquoi elle a dit ça? Je sais rien, moi, elle faisait un truc. Parce que la pété du rite comme d'hab, non? Contre les maladies sexuellement transmissibles. Ah, d'accord. Elle aurait pu simplement dire mettre une capote, quoi. Oui, ouais, c'est ce qu'elle a dit à la fin. Ah bon quand même. Puis elle dit, Carla et moi sommes très proches. Nicolas Sarkozy. Oui, bonne réponse. C'est mieux en même temps. Ouais, heureusement. C'est du foutage de gueule. Qui a dit je m'en fiche de brouiller mon image, je ne sais même pas ce qu'elle est. Ah, si quelqu'un là, non. Non. Raymond Domenech. Non. Ouh, t'es pas loin. Guillaume Estelle Maron. Denis. Estelle Denis, bonne réponse. Bam. Réponse footballiste. Question foot. Réponse foot de Sandro. C'est parce qu'elle a lu le soft foot du mois dernier. Elle. Ah d'accord. Bah bonne réponse. Elle se grattait les couilles et buvait une bière, je l'avais. Estelle Denis ou Sandro? Non, Sandro. Ou les deux, faut voir. Allez, fin du Mac du jour, retour du Mac du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, il y a Sandra qui est de retour avec sa sextape là et Ronan qui est là maintenant de Quimper. Salut Ronan. Allô Ronan? Oui, ah, tu m'entends? Oui, maintenant. Ouais. Comment ça va? Bien, très bien, et toi? Bah écoute, ouais, ça va, ouais, tranquille. Hein. Alors Ronan, tu voulais simplement réagir par rapport à Sandra au niveau de la sextape alors? Ouais, bah je voulais surtout lui peut-être lui donner une petite approche envers ses parents. Alors, c'est-à-dire? Pourquoi ça t'est déjà arrivé, toi? Non, du tout. Non, pas encore. Non, ils sont un peu jeunes, mais... disons que, je sais pas, par rapport à ses parents, quelles sont ses relations avec eux, comment ils se rendent, est-ce qu'elle arrive à discuter facilement de choses des autres, ou c'est plutôt coincé, je sais pas. J'ai pas compris ton. Il demande. De savoir quelles sont ses relations avec ses parents. Ouais, comment, quelle relation elle a avec ses parents, quoi. Qu'elle discute facilement de sexualité ou bien. Attends, Sandra. Oui. Ah, t'es là donc, hein. Je pourrais te dire, c'est comme pose déjà. Non, mais j'entends la moitié de ce qu'il dit en fait. Ah bon? Ah, d'accord, ok. Oui, donc, il capte mal en fait, je comprends la moitié. Bon, il te demandait quelles sont tes relations avec tes parents et en l'occurrence avec ton père. Est-ce que tu t'entends bien? Est-ce que t'es sa petite fichérie? Est-ce que. Bon, c'est plutôt. Vous discutez pas trop souvent? Comment ça se passe? Ben, avec mon père, c'est plutôt tendu quoi. C'est que quand. Si on se parle pas ou quoi, on se porte bien quoi. Ah oui, à ce moment-là. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ouais, donc il est peut-être pas prêt à te parler de ton film, ton œuvre d'art, ton Oscar. Disons que moi, c'est surtout que j'aimerais en parler avec lui. Mais bon, ça fait quand même 2 semaines. Ça va t'avancer à quoi de lui en parler? C'est ça ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux absolument en parler. Enfin, je comprends pas. C'est comme si vous trompez votre mec ou votre meuf, mais si elle le sait pas et que vous êtes rendu compte que vous avez fait une connerie, mais fermez votre gueule, passez à autre chose. Appelez la radio, faites-nous partager. Oui, aussi, oui. Mais sinon, voilà, fermez-la et passez à autre chose, quoi. Ça n'a aucun sens de tout foutre par terre bêtement. Si, crevez l'abcès. Mais non, bah. Quel abcès? Il avait en train de baiser. Il n'y a pas d'abcès à crever. Mais non, mais elle est gênée vis-à-vis de lui. Donc, le fait d'en parler avec lui, ça va la détendre. Tu crois? Peut-être. En général, moi, quand t'as un conflit avec un de tes parents et que t'as pas envie de le croiser, tu sais, genre tu te lèves, tu baisses les yeux pour pas croiser son regard et tout, le meilleur moyen de le régler, c'est d'aller lui parler. Bah oui, parce que son regard, il commence à être pesant, quoi. Bah, voilà. Il regarde de travers, méfiant, c'est chelou, quoi. Est-ce que tu pourrais pas engager la conversation avec lui, simplement en lui disant, bah écoute, j'ai remarqué depuis quelques jours... t'es différent avec moi, t'es un peu distant. Ouais, non, là c'est moyen quand même. Hein. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Bah écoute. Il le sait pourquoi. Enfin, elle le sait. Oui, il va pas oser le dire. Ouais, mais voilà. Mais peut-être que. Ou alors on parlait avec ta mère, passer par ta mère, tout simplement. Ouais, je pense que de toute façon, il faut que tu trouves un lien entre toi et ton père ou entre toi et ta mère pour que si vraiment toi t'as envie de discuter de ça avec lui. Il faut que tu trouves un échappatoire pour engager le sujet, parce que ou alors tu laisses tomber carrément et puis. Mais si la maman elle est pas au courant, oui, autant voilà, pas le problème. Dire. Je sais pas si ma mère elle est au courant en fait. Mais moi, arrête de te prendre la tête, passe à autre chose, voilà. Si mais ton père vient t'en parler, ça veut dire qu'il a un problème avec ça, et s'il vient pas t'en parler, basta. C'est ça, efface la vidéo de l'ordinateur, et comme ça, il n'y a plus de traces. Mais c'est le. Ça se trouve, il est juste un peu gêné comme toi, et comme il voit que toi t'es gêné, ben, ça se trouve, t'as même pas besoin de lui parler. Parle-lui normalement, d'autres choses, de tout et de rien, comme d'habitude. Ouais, parle-lui du porno sur Canal, et puis ça passera. Ouais, mais c'est lui qui le regarde mal. Évite peut-être de parler de ça. Mais peut-être qu'il la regarde mal parce qu'elle aussi voit qu'elle est gênée et tout, du coup, lui, ça le gêne. Mais c'est peut-être. Pas ça, c'est qu'il me regarde mal, c'est à peine si. Bon, je lui dis bonjour, bon, ce qui est normal. Mais vous étiez déjà en embrouille avant, donc tu vois, c'est pas super représentatif. Oui, disons, bon, avant, on pouvait discuter tranquillou et tout. Mais depuis qu'il a vu ça, eh ben, le dialogue, il y est plus, quoi. C'est coupé, il dit bonjour, voilà, pendant les repas de famille, il parle, pareil. Si tu te rends pas compte, ça se trouve, tu fais pareil, t'as le même comportement de ton côté parce que t'es gêné aussi. Ouais. Dis-lui, papa, je suis super fier de ce que j'ai fait. Ouais, non, mais c'est pour ça que ça bloque. Mais voilà, quand vous serez à table, parle-lui d'un lance un sujet à table et puis ça va repartir. Dis-lui que tu concours pour les X Awards. Ouais. Tu vas voir son avis, voir s'il n'y a pas un pote à lui qui pourrait éventuellement, si c'est possible, mettre ça sur internet pour que les gens puissent voter. Oui, pourquoi pas. Hein. Ah, oh. Dans le pire des cas, on peut voter, le faire, ça va, mais de l'argent, non. Oui, ah, pas de là. Ouais, non, mais si c'est toi qui as lancé les X Awards, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Bah, oui, qui voulais-tu que ce soit d'autre? Bah voilà, c'est ça. Donc bref, tout ça pour dire que moi, mon avis, c'est n'en parle pas et voilà, fais comme si de rien n'était et puis on verra bien. Maintenant, deuxième chose, Roland, toi qui as 36 piges déjà, si ta fille, imaginons, parce qu'elle a 18 ans, ça pourrait être ta fille, quasiment. Ouais. Si ta fille, allez, imaginons que tu sois son père là, comment ça se passe si tu tombes dessus, tout le bordel, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle vienne t'en parler? Tu voudrais passer l'affaire? Comment? Moi, je lui en parlerai déjà de moi-même, parce que moi, avec mes enfants, on est assez ouvert là-dessus, on parle de sexualité facilement. Ouais, tu lui parleras assez facilement de l'éclairage qui n'était pas très bon, de l'angle de la caméra qui n'était pas terrible, pas de la sexualité. Ah, peut-être pas, non, je laisserai ça peut-être à son mec. Ça dépend, ça va dépendre de quel rapport tu as avec tes enfants, tout simplement. Si la sexualité c'est tabou, bien sûr que. Non mais c'est pas que ça, c'est. Parce que tu dis je lui en parlerai, mais tu lui dirais quoi? Parce que concrètement, t'es juste rentré dans son intimité directe là, c'est tout. Non, c'est. Ah non, ça elle fait a quand même laissé ça sur ah oui, sur d'accord. Familial, donc c'est ça que tu lui dirais. Non, moi je lui dis j'irai vers elle en lui disant, bon, écoute... si tu veux pas, papa, regarde tes films cochons, mets-les ailleurs. Tes affaires privées, tu les gardes pour toi, tu les mets pas... voilà, ça serait juste ça. Alors, tu lui conseillerais, si elle fait le premier pas, d'aller s'excuser par rapport à ça, alors. Si on suit ta logique, oui. C'est ça, en fait. Oui et non. Disons que déjà, d'engager le sujet. Après, si elle veut présenter des excuses à son père en lui disant, ouais, excuse-moi d'avoir mis ça sur... d'avoir mis ça comme ça librement sur le PC, ouais, pourquoi pas, ça pourrait détendre l'atmosphère, c'est sûr. Ouais. Je pense, hein, franchement. Moi, ça je pourrait détendre l'atmosphère. Moi, maintenant, le seul truc qui détendre... Ouais, vas-y. Si déjà, à la base, elle discutait, c'est ce qu'elle vient de dire, qu'elle discutait déjà facilement avec son père, je pense qu'elle peut faire une approche, mais une approche assez douce, quoi. Moi, c'est ce que je lui conseillerais, tu vois. Pas d'y aller franco, voilà, t'as vu, pas du genre, ouais, t'as vu ma vidéo sur... T'as vu mon cul, ouais. Non, j'irais plutôt doucement, voilà, bah, j'ai remarqué que t'étais un peu différent depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Ah bah oui, et pour cause. Tu veux peut-être voir la suite, tu es resté sur ta faim. Ça lui permettrait peut-être de lâcher ça et peut-être que ça va l'énerver, hein, ça dépend comment. Ouais, c'est ça, parce que bon, découvrir la sexualité de ses enfants, je pense que pour des parents, ça doit pas être évident. Tu m'étonnes. Forcément, tu sais, c'est comme les. Oui, les mais pour les parents, le gamin, il est toujours au centre de tout. Voilà. Franchement, il va te dire, écoute, tu étais très belle sur l'éjaculation, j'ai bien aimé. Ouais, tes cheveux étaient bien coiffés. C'est un peu ridicule. Non, mais c'est comme de dire à un gamin, est-ce que tu imagines tes parents coucher ensemble, pardon. Tu vois, c'est un peu la même vision que non, c'est dégueulasse, enfin bref, tu n'irais pas les regarder sur une vidéo, quoi. Oui, non, ça je te confirme, ça c'est un truc qui pourrait donc, m'angoisser. Vois, enfin, capable. Je pense que si toi, oui. Il est un bien peu. Sûr, oui. il moi je serais prêt à le tourner moi-même. Arrête. Ah, putain, mais t'es vraiment un connard. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais faut qu'il est pas prêt répéter. À tourner la vidéo de ses parents. Mais c'est pas vrai en plus. Il serait là avec la caméra. Il se chierait dessus, il irait sous le lit. Il chierait. Alors qu'il aille le faire. Ouais. Pourquoi tu... Parce que si tu me l'achètes, on peut peut-être s'arranger. Hein. Vas-y, je mets 100 euros. Bon, allez, taisez-vous là. Je mets 100 euros. Ronan, merci à toi d'être j'ai choisi passé. La tenue de ta mère. Y a pas de choix. Et puis quoi encore. Merci à toi, Ronan, à bientôt. En rhinocéros. Salut, ciao à toi. Et Sandra, bah, tiens-nous au courant hein, pour voir un peu comment ça a évolué. Hein. Voilà, soit okay. T'attends un petit peu, tu lances un sujet quelconque à table ou n'importe quoi. Non. Soit. Non, pas ça, pas tout le monde. Non, un sujet quelconque, pas ça. Oui, mais. Ouais. Tu lui parles normalement, tu racontes ta journée, quoi. Tu lui parles. Comme tu lui parlais avant, si ça s'arrange pas, et ben là, commence à lancer le truc et à t'excuser. Très bonne ces tomates. Au fait, t'as vu mon cul à la vidéo? Je te remets un peu de sel. Vous avez rien compris. Si. Vous avez rien compris à ce que j'ai donc, dit. Donc, cette lasagne ressemble à quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé. Ça doit regarde être la sauce tomate. Ce soir, on mange des calénolis. Des c'est raté, Loli. Des patrons en forme de bite. Ouais, voilà. Bravo. C'est des gnocchis. Bon allez Sandra, gros bisous à toi. Bisous à vous. À bientôt. Ciao. Ouais. Mickaël, le podcast. On va jouer aux questions pour une réponse. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, hop, question pour une réponse. Stéphane, tu veux jouer avec qui? Sandro, ton casque. Tu veux jouer Sandro. Avec qui? Sandro. Avec Sandro, très bien. Arlindo, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Avec allez. Le roux. Très t'inquiète. Bien. Sandro, ton casque. Non, il est pas bien mis. Arrête de te foutre de ma gueule. Top, vérifie. C'est fatigant. Voilà, il est bien mis. Voilà, mets plus fort dans le casque. Non. Mets plus fort, un peu plus fort. Parce que sinon, tu vas entendre des trucs. Mais non. Bon, on y va? Attention. Vous êtes prêts? Top. Oui. Attention. Top. Je suis plat et arrondi. Non, je ne suis pas des seins. Top, bien évidemment, autant pour moi. Et si mon patron a de l'argent, croyez-moi, il peut tout faire avec moi. Non, je ne suis pas une pute. Ou on peut dire également que je suis non pas une femme, mais une chose battue, car en effet, je suis tout bleu, sauf si j'appartiens à Mickaël. Oui. Non. Très bien. Dans ce cas-là, je serai en or ou en noir. J'ai besoin généralement pour les gens d'un visa, mais vous pouvez me retrouver sous Mastercard ou encore American Express. Roux. On l'a dit en même temps. Non, c'était roux. Non. Si on l'a dit en même non. temps. Non, j'étais sûr. Hein. Roux. Une carte perdue. Ah, dommage. Sans une carte roux. Bleue. Une carte bleue, bonne réponse. une carte bleue. Allez, roue, allez. Une carte de crédit, à la limite. Mais une carte, je comprends pas dire une carte. Ah, tu dis qu'elle est bleue. Chez Mickaël, elle est bleue. Bah, non, la carte bleue. Les gens normaux, elle est bleue. Non, non, la carte bleue, si t'as une carte bleue premier, elle est pas bleue. Pourtant, ça s'appelle une carte bleue. Et pour, elle est dorée. Non, t'as une visa premier, mais t'as une carte bleue. La visa premier. C'est quoi la phrase? Carte visa. De toute façon, c'est comme ça. Sandro, one point. Ouais. Bah quoi? Non, d'accord. C'est comme ça, le juge arbitre voilà. A décidé. On y va. Deuxième question. Pour une fois, je t'accorde le point. Merci. Le casque, Sandro. Ouais, pour une fois qu'elle a triché. Ouais, c'est ça. Tu suis, je te le dis. Toi, bon, en même temps, non, j'ai pas triché, qu'est-ce que tu racontes? Pour une fois, elle a attendu la fin de la question. Pour tricher. Deuxième question. Top, je suis né le 12 décembre 1915 à Hoboken, dans le New Jersey, et je suis mort le 14 mai 1998 à Los Angeles, aux États-Unis. Et je suis un chanteur et acteur américain. J'ai vendu plus de 150 millions de disques à travers le monde. Et je suis le crooner le plus connu au monde, oui. Frank Sinatra? Quoi? Bonne réponse. À quoi? Tu fais une tête, on dirait que t'es en train de faire un pipeau dans le chéri, je t'ai fait cocu. Oh, allez, au hasard, je sais pas, mais vraiment, je sais pas. Dis non, c'est parce que t'as dit crooner, il y en a Frank plusieurs. Sinatra. Bon, avec des morceaux devenus célèbres comme Fury, Fly Me enfin, to the Moon, ouais. New York, New York, Somewhere Beyond the Sea, ou encore le titre de Claude François repris en anglais, My Way. On dit de moi que je n'ai pas un ni deux, mais Sinatra. Je suis donc Frank Sinatra. Je rappelle à chaque fois que ce n'est pas moi qui écris les questions, ouais, c'est bien Pablo. Ça n'existe pas un Atra. Non, bah non. Dernière question, un partout, vous êtes prêts? Oui. Prête. Stéphane et Arlindo, vous pouvez bien sûr participer, hein. Oui. Non, c'est juste pour sûr. Top, je suis une ville d'Afrique blanche située au pied des montagnes de l'Atlas et je suis plus connu sous le nom de Perle du Sud, Porte du Sud ou encore Ville Rouge. Ma ville a été fondée en 1062 par Youssef Ibn Tashfin, excusez-moi, je suis pas très calé là-dedans. Premier roi de la dynastie des Almoravides et je compte aujourd'hui un peu moins d'un million d'habitants. Je suis la quatrième plus grande ville du Maroc après Casablanca. Bon. Tanger? Non. Sandro? C'est en Algérie. Marrakech? Oui, bonne réponse. Rabat et Fès. Oui, Marrakech en Algérie. Et je suis devenu depuis peu la destination à la mode pour les célébrités. Je suis donc Marrakech, bonne réponse et non victoire. Seulement je suis con. Hein. Et victoire de Stéphane. Je suis doublé d'un gros con. Ouais. Et là, et mauvais en géo. Et victoire de Stéphane, bravo non, Steph. Et Sandro. Merci Sandro. Je t'en prie. Je peux passer une dédicace? Allez, vas-y. Remercie Jack aussi. Merci. N'importe quoi. C'est gentil. Passe une dédicace à Camille, à Julie, de mon village et tout ça. Ah, très bien. Eh bah écoute, le message est passé, pas de problème. Merci. Salut à toi. Salut. À bientôt et salut à Arlindo également. Allez, ciao. Allez, ciao à vous. Il est déçu, mais c'est normal en même temps. Hein. Bon, allez, salut. Et puis, retour du question pour une réponse. Non pas demain, car ce sera Jean-Claude au fucking Blue Boy. Mais lundi 21... Non, c'est le best-of. Donc lundi prochain. Voilà. Enfin, d'après, quoi. Enfin, vous m'aurez compris. Dans une semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, hop, fin du jeu. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. C'est pas vrai. Il est là, le gros con. Eh, on peut voir ça comme ça. Monsieur X... On vous attendait plus, hein? Ah bah oui, bah par contre, moi je suis venu trois fois. Hein. Comment ça, vous êtes venu trois fois, vous foutez de ma gueule? Ah bah non, moi j'étais là tous les jours, à chaque fois on me dit ah non, il a pas le temps, il peut pas vous prendre, revenez demain, vous croyez que c'est pas à foutre? Non mais vous êtes gonflé, on vous a attendu lundi? Ah oui, ça je suis gonflé à bloc là, je prépare le week-end là. Mais ça j'imagine. Non mais vous êtes vraiment gonflé, hein, sans ah déconner. Oui, ça je vous garantis, hein. Bon, t'es venu parler de bon, quoi? Bon bref, ouais, sinon vous parlez de quoi là? Ça fait une semaine que j'ai pas baisé. Alors, de quoi vous voulez parler, hormis vos conneries? Un drame, je veux parler d'un drame. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'ai appris ça, c'est honteux. Oui, je sais, les avions sont cloués au sol, c'est un drame. Ah bon? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Dans le micro, monsieur X. Je fais que ça, qu'est-ce qui vous arrive? Non, tu fais pas ça. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Bon, vite, non, tu te calmes, toi, je te le dis direct. Non, mais attendez, j'ai appris un truc, là. Quoi? Le sexe oral va disparaître. Hein? Comment ça? Mais oui, c'est une étude américaine. Bon, c'est de la merde, mais... 20% des adolescents considèrent que le sexe oral n'est pas du vrai sexe. Alors qu'ils étaient 40%... Ils m'enfonçaient les Américains. 40% en 91, mais bah, oui. Et puis c'est un sondage aussi, hein. Alors que 98% considèrent le vrai sexe, que le rapport vaginal c'est du vrai sexe, et 78% considèrent que... Le sexe anal, c'est du vrai sexe. Alors, merde, bouffez de la bite! Mais comment ça... C'est ça, j'ai pas compris non plus. Non, j'ai pas compris quel est le lien avec le fait qu'il va disparaître. Moi, j'ai l'impression que ça va se banaliser, justement. Ils se disent, bon, bah, c'est pas du sexe, donc c'est mais pas... Mais non, question. Justement, c'est bien ça le problème. C'est que comme ce n'est pas du vrai sexe, ils arrêtent de le pratiquer. Et pour... D'accord. Donc, c'est-à-dire que les... Il y a que les Américains qui se posent la question qu'est-ce que du vrai ou parce du faux. Parce que même si c'est du faux, moi, je m'en fous, hein, personnellement. Bah oui, mais vous, vous êtes vieux, vous n'êtes pas jeune. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus... Je suis pas vieux. Vous avez quel âge, vous, X? écoutez, j'ai un certain âge, mais ça vous regarde bah pas. Alors, la vie des jeunes, tu t'en fous, puisque tu t'as pas de jeunes. Pas du tout, quand je vais lever une petite de 18 ans, là, à la sortie d'une boîte complètement bourrée. Oh, bah, comment vous voulez, si elle me suce pas la bite, y'a aucun intérêt. Sale porc, là. Bah, attendez, si elle a l'intérêt de soulever des petites jeunes, si c'est pas vous faire dégorger le poireau. Je sais pas quoi dire, monsieur X. Il est dégueulasse. Je sais pas. Sinon, non, mais parce que, bon, comme j'ai quand même une solution pour... Je me suis dit que peut-être c'est parce que les femmes d'aujourd'hui... J'ai dit femmes, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bien, bravo. Bah, pute ou salope, tu connais quoi, hein, voilà. C'est bien, monsieur, comment ça fait reprenez. Oui. Donc, les chaînes d'aujourd'hui ouais, voilà. ne veulent pas sucer parce qu'elles ont peur du goût. Eh bien, j'ai enfin trouvé une solution. Il existe un sperme à sucer des bites. Un spray à sucer des bites. C'est marrant que vous ayez... écorcher le mot. Oui, c'est bizarre, donc, hein, surtout celui-là. Ouais, donc c'est un spray pour sucer des bites. C'est-à-dire que ça permet, pour les filles qui n'aimeraient quoi, pas le goût, qui auraient du mal à tenir un sexe d'homme viril, dur, bien tendu en bouche, eh bien ça leur enlève le goût et donc elles n'ont pas tout de suite l'impression de sucer une bonne grosse bite bien baveuse. Merci, monsieur X. Et donc ça permet également de lubrifier la gorge, hein, si toutefois elles avaient un petit manque de salive à ce moment-là, parce que c'est quand même très important d'avoir de la salive. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'une fois la fellation terminée, le sperme avalé, eh bien elles peuvent tout de suite rouler une pelle, puisque l'odeur de sexe a entièrement disparu grâce à ce... Vous êtes un porc, je pense que Sandro avait tout dit là. D'habitude, je suis dans ton délire, je rigole et tout, mais là c'est crado. Ah oui, là oui. Ah bah oui, mais j'y peux rien, faut bien que j'intéresse les gens à la fellation. Hein. Ouais. Je pense pas qu'ils aient besoin de vous, hein. Bah écoutez, avoir cette étude, bah si. Bah non, parce qu'en plus on vous écoute pas aux États-Unis, que je sache. Oui, mais bon, justement, je ne voudrais pas que la chaîne française parte dans la décadence de la pétasse américaine. C'est bien dit, voilà. Ouais. C'est bien résumé. Bah, je vous remercie, monsieur. En 3 minutes de violence, t'as bien fait. Ouais, voilà. Bon, monsieur X, on va vous saluer, hein. Ah déjà ? Ah bah oui. Ah, bon, il faut pouvoir partir un moment, hein. Tu fais quoi pendant les vacances, toi ? Ah bah moi, je vais péter du cul à tour de bras. Parce que lui, il a pas changé d'adresse. C'est ça. Oh là. Bon, monsieur X. Oui ? Au revoir. Et bonnes vacances. Et bonne bourre. Ah bah écoutez, vous inquiétez pas pour moi, je vais bien m'occuper, hein. Vous prenez l'avion ou pas, là ? Ah non, moi, je prends pas l'avion, non. Ah bon, pourquoi ? Bah parce que j'ai pas pris l'avion. Ah bon, d'accord. Bah oui. Mais non, mais il dit ah non, je prends pas l'avion. C'est genre, la manière dont il a dit, c'est genre il a peur, genre Non, j'ai pris des billets de train, c'est tout. Tu vas où? Ah oui, bah enfin en même temps vous irez nulle part, c'est grève. Bah je vais au Cap d'Agde, où voulez-vous que j'aille? Cap d'Agde. Ah ouais, c'est bandant en avril. Ah bah oui, grave. Ah bah écoutez, moi du moment qu'il y a du cul à l'air, c'est bien. Oui, bon, et puis l'avantage en avril, monsieur X, c'est ça, allez au revoir. L'avantage en avril, c'est que c'est ton monsieur X. Au revoir monsieur X, c'était parfait. Mickaël, le podcast. What's up? Hey, what's up? This is the Black Eyed Peas. And you're watching the boop, boop, boop, Polo. Boop, boop, boop, Polo. Boop, boop, boop, yeah. Oui. Boop, boop, boop, yes. Polo. Show. Et voilà. Ouais, ben j'arrive. Vas-y, la pub, surtout juste après. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, vous avez bien dit que dans 20 ans, on saura peut-être mettre des buts avec la main. Oui, je l'ai dit. Merci. Ouais, les gars, pour mettre des buts de la main, le mieux, c'est de revenir dans 20 ans. Thierry Henry. Aujourd'hui, il peut mettre des buts de la main. Thierry Henry, pour que l'équipe de France bouge en Afrique du Sud. On y va. Ryan B. Fever. Salut, c'est Magic System et on est dans le Polo Show. Et on commence tout de suite, qui est là? La vérité. Allô? Oh, la cause des éruptions de volcans, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je crois que vous nous avez appelé aujourd'hui parce que vous avez un petit souci. Non, avec, je ne t'ai jamais appelé. Avec votre vol. Non, je n'ai aucun problème avec aucun vol. Monsieur du Polo Show, ce n'est pas vous? Non, ce n'est pas moi, non. Un nom à particules? Non. Monsieur Polo du Polo Show. Non, ce n'est pas moi, non. Ah, c'est bizarre, mais j'ai eu un message alors d'un certain monsieur du Polo Show. Oui. Qui demandait à se faire rembourser son billet d'avion. Non, pas du tout. Parce que bon, vous avez autre chose à dire? Non. Non, mais... Allez, casse-toi. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de fin, s'il vous plaît? Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Allez, qui est là? Elisabeth Polo. Super, Elisabeth. Oui. Casse-toi et voilà, c'est chef de Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car quoi? Il y a monsieur A qui voulait passer, il avait un truc. Il est pas là. Il arrive, il arrive. Ah bah non, mais il avait qu'à venir à moi, allez, moi je me casse. C'est Michel qui est ton diesel. Ah j'en ai rien à foutre, moi, il y a personne, moi je m'en vais. Il faut préchauffer. Attends, vous avez qu'à le prendre là dans on le. Préchauffe, on dans... préchauffe. Attends, mais c'est le polo chaud. Eh d'ailleurs, c'est fini là. Non mais attends, parce que là t'as pas de respect pour tes auditeurs, tu montes dans les sondages. Tu montes dans le sondage, il y a de plus en plus de gens qui écoutent le polo chaud. Oui, peut-être. Il y en a peut-être de plus en plus, mais je les emmerde. Voilà, bravo, très bien. Regarde, il est là, monsieur A. Bon, qu'est-ce qu'il veut, monsieur A? Attends, attends mal. Allô? Polo? Ouais. Polo? Oui. Eh ben tu sais qu'on parle de plus en plus de toi. Ah bon? Ouais, t'es écouté, hein, Polo? Ah oui? Polo? Oui, je t'écoute, monsieur A. Je t'écoute maintenant, hein. Bon, bah, c'est bien. Ouais, bah... Mais tu veux que je te dise quoi? Eh ben, t'es content d'être écouté, remercie non, pas tout à l'heure. Non, je ne remercierai pas. Je vais faire mon Mamadou Niang aujourd'hui, voilà. Eh ben, fais ton Mamadou Niang. Eh ben, voilà. Dis donc, ce con, je le paye trop cher. Je le paye trop cher, ce Mamadou Niang. Voilà, je fais mon Mamadou Niang. Voilà, je suis énervé. Elle est là, Sadra? Non, elle est pas là, elle est partie fumer une clope. Si, si, il est là, il t'emmerde. Il est là, Jack, non, il est pas là, il envoie des coups. Ah non, il est RTP aujourd'hui. Bon, d'accord, ok. Il est là, Ikel. Non, il est pas là, il est en train de préparer sa voiture. Et il est là, Pedro. Non, il est pas là, Pedro, il est en train d'aider la France. Il est là, monsieur A? Ah bah non, il est parti. Ikel? Monsieur A? Oh, Ikel! Ikel! Ikel? Et donc, j'espère que vous faites pas quelque chose de dégueulasse en même temps, hein. Ah bah non, Ikel! Bon, monsieur A? Oh, mais il va se calmer, vous avez le tellement saoulé le roux qu'il s'est endormi. Polo? Oui? Elle est là, Sadra? Oui, elle est là. J'ai même passé Sadra. Je crois qu'elle veut pas te parler, en fait. Passe-moi, Sadra. Bah, c'est elle est là, je vais pas te... Sadra? Sadra? Oui? Ça te dirait de te faire blanchir la gorge? Non? Non. Et de te faire blanchir la gorge? Non, non plus. Non plus? Eh ben, pas grave, je vais prendre Vassata. Bah c'est Batata que je vais fuir, il est là, Jack. Oh là là, il y a un Google. C'est avec Batata que je vais... Ouais. Batata. Bah c'est Batata que je vais troncher, voilà. Il est là, Jack. Eh, Jack. Oh, Jack. Ça te dirait de m'envoyer un texto? Je suis en train de le taper, là. Oh, Jack. Allez, ça va égayer sa soirée. Ça va gagner. Il est là, le pervers. Bon, monsieur, il faut partir là. Ouais, il se branle en t'écoutant. Le pervers, ah, bah, c'est demain qu'on part. Oh, quelle horreur. Il est là, le pervers. Oui, j'ai presque fini là. Oh, pervers. Ouais. Oh merde, gueule, attends deux secondes. Oui, dors. Pervers. Ouais. C'est possible qu'il me prête chiffon ou pas? J'allais te proposer quelque chose. Ouais, vas-y, ouais. Je te prête chiffon. Ouais, je le déglingue. Et tu peux me prêter ton chien aussi, là, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Pépette. Et ben, tu me prêtes Pépette? Ouais. Ça fera des petits. Et puis, Pépette, je pète tes pattes arrière. Ouais. Bon, c'est bon, la discussion de grand-mère, là. On peut y aller? Justement, j'avais parlé de la grand-mère. Oh. Bon, on va y aller, monsieur. Je vous remercie. Gérontophile, on dit. Monsieur A? Polo? On va y aller. Polo? Polo, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Polo? Oui. Je vais bourrer Elisabeth. Bonne soirée. Quelle horreur. Bon courage. Au revoir, monsieur. Surtout, ouais. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.